Notre petit groupe, composé de Jacquard, Toric, Mokosh et Efflux, font face à la panique qui s'est emparée de la ville après la découverte du meurtre d'Altaïr. C'est la confusion la plus totale, et les gens ont peur pour l'avenir de Lucatoré. D'un autre côté, les autorités font preuve d'un comportement assez troublant. Ils ont l'air d'empêcher quiconque d'enquêter sur le meurtre. Et l'enterrement a été organisé le jour même. Le groupe décide donc d'aller enquêter en douce au cimetière pendant la nuit. Mais une fois sur les lieux, ils se rendent très vite compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'un mystérieux chroniqueur les observe. Mais pourquoi ? Nous sommes à l'aube du 8e jour. Certains d'entre vous, dont Efflux mince, j'ai oublié ton nom. Jacquard, c'est bien ça ? Oui. Ok. Efflux et Jacquard sont déjà réveillés et sont actuellement en train de parler en bas. Vous êtes actuellement dans la maison des émissaires. Vous êtes revenu de votre petite escapade nocturne jusqu'au cimetière. Où vous y avez fait la connaissance d'une étrange silhouette qui visiblement vous surveillait avec ce qui s'apparenterait à un drone. Quelque chose de relativement peu commun, donc. Et c'est à peu près à ce moment-là que vous deux allez entendre descendre des escaliers Toric et Mokosh. Dana est avec vous, elle vous parle de la pluie, du beau temps, et notamment du fait que que l'automne pointe enfin le bout de son nez. Quels seront vos premiers mots que vous vous adresserez ce matin-là et quel est actuellement votre état ? De même, si jamais vous voulez parler de certains sujets entre vous ou avec Dana, je vous laisse libre cours. Tiens, le truc ? De quoi ? Non, bah, je parlais. Bah, j'étais avec. Mokosh ? Il s'appelle. Non. Mais non. Efflux, oui. Du coup, Efflux, de ton côté, tu te remémores justement la silhouette que tu as perçue, qui clairement pour toi était un chroniqueur, ou en tout cas quelqu'un qui en avait l'apparence. Ah, mais moi je parlais du drone. Mais de toute façon, on va falloir expliquer, hein, parce que moi j'ai raté tout ce qui vient de se passer. Donc. Donc oui, suite à ce qui s'est passé la dernière fois, le fameux drone qui est venu nous perturber un petit peu. Donc, on est tous un petit peu dans le flou. Et donc notre ami ici présent, monsieur le juge, Jacquard, qui te demande si c'est un de tes trucs. Ou pas. Que tu as ? Non, clairement pas. C'est pas. On travaille pas ce genre de choses, hein, genre. On connaît la technologie, mais. Genre, tu traites pas avec ça sur toi juste pour le plaisir, quoi. Je pense qu'il y a un truc à fouiller. Vous êtes bien familier pour un chroniqueur ? Non, c'est mon ressenti. En tout cas, c'est quand même un peu louche tout ça. Et que maintenant un chroniqueur s'en prenne à nous quelque part, c'est encore plus intriguant. Il s'en est pas vraiment pris à nous parce qu'il n'y a pas eu d'attaque concrète physiquement. Oui, il y a plusieurs. Parce que j'ai des oreilles. Alors déjà, il n'y a pas eu d'attaque concrète physiquement. Il a couru, c'est pas la même chose. Et du coup, ouais, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut en tirer. La première, c'est que du coup, il est là pour une mission secrète et que bah, du coup, c'est pour ça que personne n'est au courant de sa présence, etc. Et peut-être qu'on est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et sinon, c'est d'autres hypothèses auxquelles je ne crois pas énormément. Mais. Faut que je réfléchisse. Du style. Il pourrait s'agir aussi d'un chroniqueur qui a été envoyé pour m'aider et qui, par orgueil, pourrait refuser. Mais. C'est possible, mais je pense pas que ce soit à forte probabilité. Et ce petit bâtard pourrait être aussi un renégat, tout simplement. Je vous trouve bien familier pour un juge. Tu marques un point. Enfin, en tout cas... Nana vous coupe pendant votre conversation. Ah, si jamais vous avez des questions à poser, j'ai entendu dire que les audiences au cloître étaient de nouveau ouvertes. Alors... étant donné que vous avez le pass que vous a été fourni par Ennio Benesato, vous devriez pouvoir rentrer dans la forteresse. Maintenant, pas sûr qu'ils vous parlent ou qu'ils aient entendu parler d'un quelconque chroniqueur en ville. Il m'a l'air plutôt discret, ce chroniqueur. C'est-à-dire qu'avec ce vieux tas de merde qu'on se traîne nous-mêmes, ça va être compliqué de... Comment dire, pas se faire remarquer. De lequel t'as de merde tu parles? Bah, le nôtre. Le nôtre? Je vois pas trop de quoi tu parles. Soyez plus précis, vous entendez par qui? Qui est le tas de merde? Parce que ça pourrait être n'importe quel d'entre nous. Non, assumer. Assumer entre êtres humains, je pense qu'on voit de qui je parle. Après, si vous estimez que, on va dire, Flux n'est pas un être humain, qu'est-ce qui vous dit que c'est que, enfin, c'est pas sûr. Vous savez pas ce qui se cache derrière son ses mandibules. Ses mandibules absolument pas humaines. en tout cas, voilà. On sait déjà une chose, c'est que quelqu'un essaie de cacher ce qui s'est passé, puisque la tombe ayant été scellée par un rocher trop lourd, on ne pourra jamais savoir ce qu'il y a en dessous. Et c'est pas anodin. Sauf si on voulait le rocher. Non, il était trop lourd pour ça. Trop lourd. Oh, tu sais, avec un levier et quelques... Je sais pas, moi, quelques personnes... tu pourras soulever une montagne. Il fallait environ une dizaine de bœufs pour pouvoir le soulever. C'est pas infaisable, mais ça demande à... 10 bœufs. Et puis même dans quel état serait le corps après ça, quoi. Genre, là tout doit être écrasé, même pour moi c'est un trait, enfin je peux pas autopsier un truc comme ça, quoi. Pas possible. Donc là on nous met des bâtons dans les roues et je pense qu'on est surveillé et qu'il va falloir jouer profil bas quelque part, essayer de pas trop se montrer. Bah, ça va être difficile avec le tas de ferraille. Vous savez, juge, vous vous sentez en sécurité par votre position sociale, je me sens en sécurité par rapport à mon rang hiérarchique. Vous pouvez très vite regretter vos mots. Et bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est que tu vas ouvrir les mandibules qui te servent de claque-merde pour te dénoncer à ton petit... Je sais pas... Ta reine? Parce que qu'est-ce que c'est? En soi, t'es plus proche de l'insecte que de l'humain? Non. messieurs, s'il vous plaît, on est ici pour une mission. Si on déjà, entre nous, on commence à se tirer dans les pattes, on n'a aucune chance. Donc, bêtez un peu vos rancœurs. Vous êtes là en mission. Je suis là uniquement parce que je dois rendre la faveur à un de mes supérieurs. Eh bien, et que continue. Si je fais ça, je vais, voilà, je vais avoir des problèmes. Donc, je vais vous demander tout simplement juste d'arrêter de me faire chier. Personne n'a rien fait à part mais vous. Mais personne vous fait chier. Personne vous fait chier. Hein. Sachez-le. On parle que d'une chose et vous tout de suite vous en prenez à ce monsieur Flux qui vous a même pas adressé la parole. Donc essayez de mettre vos rancœurs de côté et faisons fi de tout ça et allons finir cette mission. Plus vite la mission sera terminée, plus vite vous pourrez vous débarrasser de nous, si je puis dire. On est d'accord? Bon, je prends ça comme un oui. Très bien. Vous terminez votre petit déjeuner et puis vous préparez, j'imagine, à sortir. Dans tous les cas, où est-ce que vous souhaitez ainsi vous rendre? Je pense que le cloison, on n'a pas vraiment beaucoup de solutions. En effet, les audiences au cloître sont désormais ouvertes. Également, si vous le souhaitez, vous rendre sur la place publique pour enquêter. Hein, simplement, peut-être que les rumeurs, au fur et à mesure du temps qui passe, vont commencer à se... On l'avait déjà fait, ça, nous? C'était à combien de nuits? Tu sais, genre, si c'était à 6e ou 7e nuit? Désolé, j'ai plus vraiment le... Tu sais qu'on avait fait le tour la nuit avec des gens pour les rumeurs. Alors ça, c'était bien plus tôt, je vais te dire ça. Ah, c'était... Oh, je voyais ça un peu plus tard. C'était le soir du meurtre. Ah oui. Ah oui, on n'a pas chaud. Ouais, alors attends. On n'avait pas pu faire grand chose. On n'a rien foutu. Oui, de toute façon, on n'avait pas eu grand chose, mais justement, c'est pour me remettre. C'est qu'il y a quasiment une semaine. Ah oui, donc oui, effectivement, ça peut pas être bête depuis le temps de dire. Vous avez passé une semaine à rien foutre. Tellement. Non. On a passé une semaine à rien foutre. Bah non, vous avez passé 3-4 jours, en effet, lorsqu'il y a eu la ville qui a été bouclée. Mais en soi, si vous voulez, je pourrais vous faire un petit récapitulatif chronologique. Finalement, il s'est passé plus de choses que ça. Ça serait pas genre. C'est vrai que là, moi, je voyais ça beaucoup plus récemment. Donc, bien sûr. Alors. Déjà, vous êtes donc arrivé à ce qu'on va appeler le premier jour. Enfin, on va dire, ou le jour zéro plutôt. Jour 1, du coup, au réveil, vous êtes réveillé par les cornes de chagrin. C'est la mort du Baptiste. Le soir même, vous vous rendez pour aider les expéditions. Ensuite, jour 2, Mokosh se rend à l'enterrement du Baptiste. Puisque c'est la seule qui est autorisée. Enfin, déjà, non, d'abord, vous vous rendez sur la place. Puis elles seront au cimetière. Et Lucio Bastardo vous rend visite. Elle essaye aussi d'obtenir une entrevue avec son supérieur hiérarchique. Jour 3. Jour 3, la ville est bouclée et vous restez chez vous. Là également, donc là c'était en effet la phase où vous êtes resté chez vous plusieurs jours, donc le jour 3, le jour 4, et voilà, et le jour 5, c'est là que vous vous rendez voir le supérieur de Mokosh, Leto, qu'il y a d'ailleurs une bagarre dans la taverne, et que sa nanère est interrompue par vous autres, et le chasseur avec son chien, je sais pas si vous vous en rappelez. Le jour suivant, donc le jour 7, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, vous êtes donc Ennio Benesato, vous quémande chez lui, et vous donne donc son passe, même si c'est un passe symbolique, pour vous rendre plus ou moins partout dans la ville. Vous êtes sa commission d'enquête à lui, étant donné que vous avez quand même sauvé ses neveux précédemment, vous faites partie de ceux qui les ont sauvés. Et que vous représentez également une autorité neutre, vu que vous venez d'arriver en ville. Bon, après, libre à vous ou non d'enquêter pour lui ou pour vous. Vous rencontrez également Carmino Ferro. Le soir même, vous allez au cimetière, et là, on se retrouve du coup à l'aube du jour 8. Donc en effet, en fait, finalement, ça passe assez vite. Ouais. Bah du coup c'est vrai, enfin genre... Bah du coup en fait les deux sites, enfin possibilités sont envisageables. Si en réalité du coup même le 9e jour, enfin c'est le jour 8, mais si on compte le jour 0 ça fait le 9e jour. Enfin ouais. On va pas le compter lui. Du coup, soit on va directement au cloître pour Mokosh, soit on va en ville et on regarde ce qui se raconte. Et après, savoir si par la suite on peut avoir des autorisations pour sortir de la ville. Notamment si on peut aller rencontrer mes camarades. Je suis censé les avoir normalement maintenant. En effet, il me semble que t'en avais fait la demande. Oui, j'ai demandé à les deux. Et en effet, ça s'était conclu par un accord positif. D'accord. Donc après, on a toujours aussi la possibilité de. C'est vrai que vous aviez parlé d'aller enquêter dans la forêt. La forêt, mm-hmm. Et que je vois mes camarades hospitaliers pour voir s'ils n'ont pas des infos supplémentaires à nous donner. Et en effet, il y a aussi l'infirmerie de Vivaco qui se trouve à l'est. Donc à 2-3 jours de marche, vous pouvez vous y rendre. Oh, deux, trois... entre autres, hein. Par contre, en vrai, 2-3 jours, ça peut être. Pareil pour la forêt et pour le marécage. Si jamais vous voulez vous y rendre et couvrir cette zone. Alors j'allais dire, faut prévoir une semaine, peut-être pas non plus, mais c'est évident, ça dépend de combien de temps vous restez sur place. Mais pour vraiment espérer ratisser le truc, forcément si vous partez un jour en forêt, vous aurez pas vu 1% de ce qui s'y trouve. Ah c'est chaud. Faut envisager quelque chose, mais c'est parfaitement faisable. Il y a monter une expédition. Vous ouais, savez. Mais en vrai, avec ce qui s'est passé en une semaine déjà, ça fait peur de quel temps. On va revenir une semaine après. Ouais. Très bien. Dans ce cas-là, où vous rendez-vous? Je propose qu'on fasse au vote, voir qu'est-ce qui intéresse le plus les gens dans le court terme tout de suite. Là. Je vous propose, vote 1, limite vous pouvez l'écrire dans le chat, votez, alors attendez, on va faire. On t'entend pas trop, monsieur Jacquard. Je t'entends, je murmurais, mais on t'a pas entendu, Jacquard. J'ai dit, rien à foutre, je suis. Ok. Très bien, ça fait, il reste 3 personnes à voter normalement, ça devrait être. Alors attends. Moi, pour l'instant, je pars là-dessus. Pourquoi on prend les options ou c'est moi qui dois aller voir des gens? pour l'instant, ils ont également le droit d'y aller, ouais. Bah, déjà, peut-être pour nous faire rentrer, déjà. Ah, de toute façon, j'ai peur. Bah, de toute façon, elle nous empêche d'aller au cloître et après d'aller enquêter en ville, ou que nous on enquête en ville pendant que toi t'es au cloître. Puisque nous on a pas le droit d'y aller, de toute façon. Vous avez le droit de rentrer dans le cloître, si justement, c'est ce que j'expliquais. Mais non, vous ah avez, oui, c'est avec l'autorisation. Vous avez le droit. Oui. Si on peut aller au cloître et après enquêter en ville et après aller en forêt, enfin voilà, quand on peut y aller. Très bien. Étape. Dans tous les cas, sans même y enquêter, pour vous rendre au cloître, vous êtes obligé de traverser la ville. Au moment où vous sortez, vous avez Dana qui s'adresse à vous. Faites attention, il va bientôt y avoir de l'orage. Oh, ferme ta gueule, Dana. Il est comme ça, elle est comme ça, mon frère. Je vais te parler, simplement qu'il repart à autre chose et vous repartez en fermant la porte. En effet, tu remarques un peu que Mokosh a l'air vraiment spécialement de mauvaise humeur ce matin. Elle vous parle quasiment pas. Mange quasiment pas. Et elle semble comme ça, elle joue relativement sèche. Il n'empêche que vous vous rendez en direction du cloître en passant par la ville. Et, donc, pour rappel, je sais pas si vous avez le plan sous les yeux, mais... Tac. Là. Donc, vous traversez cette espèce de grande route principale, donc la route d'Eden, en soi, qui traverse la ville. Et vous passez au niveau, du coup, de la place du marché, vous l'allongez. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à entendre des voix au loin qui portent. Et puis, vous apercevez les premières personnes qui forment une espèce de marée humaine réunie autour de cette place publique. En effet, sur une espèce d'estrade, vous y voyez... cette espèce d'estrade où le public s'est réuni pour observer ce qui est en train de se passer, plusieurs silhouettes humaines, torse nu, avec le corps ensanglanté. L'une d'entre elles se trouve bien au-delà des autres et proclame tout fort différents propos qui semblent presque religieux. Je vais vous en citer un exemple. Au moment où vous arrivez, vous entendez « Le démiurge vous hante, il a investi vos cœurs. Les anabaptistes ont corrompu les eaux de la vie et invité le messager de l'enfer à dîner à vos tables. » À ce moment-là, vous voyez dans sa main une espèce de fouet relié au niveau des extrémités par de minuscules crochets et différentes lames, et il s'assène plusieurs violents coups au niveau du dos. Vous voyez des bouts de chair voler en charpie et atterrir au niveau du sol. En vous rapprochant un petit peu, vous apercevez également que sa tête est entourée d'une couronne. Attendez, je me permets juste, normalement vous devriez bientôt le retrouver, voilà. Qui sont simplement des fils barbelés, ce qui, pareil, semble lui ouvrir une partie du crâne. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet homme et surtout des hommes qui les accompagnent, qui, par mimétisme, à chaque fois que celui-ci s'assène des coups, font également de même. Ce sont les flagellants, venus du sud. Je ne sais pas si vous en rappeliez, mais vous aviez été chassés de l'hospice justement pour leur laisser place. Eh bien, ils sont désormais là, en train de prêcher la bonne parole. Et donc ils font un cercle, ils tournent en rond ? Non, ils sont là sur une estrade, et ils proclament haut et fort leurs préceptes, pendant que le public semble les regarder. Vous entendez des personnes qui semblent dégoûtées de ce qui est en train de se passer. Et d'autres... Oui ? Pardon ? Ils sont... C'est bien une chaîne ? Une chaîne. Ils sont bien là que le... Eux, non. Mais comment ils font pour tous se fouetter les uns les autres ? Bah, ils ont chacun leur propre fouet. Ils s'auto-fouettent. Ouais. Ouais, non, mais d'habitude, c'est un cercle. Pour le coup, non, ils sont juste là sur une estrade. Voilà. L'un d'entre eux est bien plus mis en avant avec, justement, cette couronne. Ça pourrait être leur chef, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Et justement, je décrivais les anabaptistes autour. La plupart d'entre eux sont dégoûtés de ce qui est en train de se passer. Vous les entendrez proclamer des choses comme mais qu'est-ce qui se passe ? C'est horrible. Et d'autres qui au contraire semblent apprécier le fait qu'ils remettent ainsi en question la foi anabaptiste. C'est vrai, le cloître n'est plus ce qu'il était, le démiurge nous a infiltrés. Rejoignez les flagellants. Dans tous les cas, vous êtes juste en train de traverser cette espèce de marée humaine. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous y arrêter. Ah oui, allez-y. Excusez-moi. Et c'est considéré comme des anabaptistes, ces gens-là ? Alors, non, à la base, ce sont des clanistes. Et c'est même plutôt anti-anabaptiste. Enfin, comment dire, officiellement, ils vont être pour la foi anabaptiste, mais en remettant en question celle qui est actuellement imposée. C'est des protestants, quoi. Un petit peu. Des extrémistes. Juste des cathares. Sauf que eux, pour noyer leur péché, pour se vider de leur péché, ils vont pas aller prier. Ils vont... expier. Exactement. Et l'olar ou des cathares. Et il faut avouer que même si là, vous n'avez que quelques spécimens, vous savez que les autres doivent actuellement se trouver sans doute à l'hospice, qui vont également infiltrer la ville dans les jours à venir. Vous savez que les flagellants ont quand même une certaine réputation. Il n'y a pas que eux, évidemment. Dans le lot, vous avez entendu parler de quelques histoires de flagellants qui se rendaient dans des villes et se permettaient de fouetter quiconque s'opposait plus ou moins à eux, ou qui n'importe qui dont la tête ne leur reviendrait pas, et que personne autour n'oserait réagir, préférant laisser la chose faire et les laisser partir une fois le tout purifié. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous y attarder légèrement, je peux vous proposer un jet d'intellect legend avec une difficulté de 3. Et les anabaptistes, s'ils possèdent un historique secret, ont le droit à jeter un dé supplémentaire. Attends, tu peux me redire les jets ? Alors, intellect légende. Et tu n'as pas de dés supplémentaires étant donné que tu n'as pas de points en secret. Avec une difficulté de 3. Légende, c'est quoi? C'est Artifact Lore? Ah, légende. Okay. Ouais, c'est. Laissez-moi. Je sais plus comment ça marche. Je ne sais pas combien tu as fait, mais laisse-moi jeter des dés, on aime bien jeter des dés. Ça va, ça va? Ça va. Ouais, ça va, tout va bien. C'est bien preuve que t'es pas humain. Mais je ne suis pas humain, faut... ça par contre, c'est un fait, hein. Wow. D'accord. Non mais il avait raison, laissez-le. Voilà, on va laisser Gossette faire sa vie. Pendant ce temps-là, tu veux jouer sans nous, y a pas de problème. Tiens, ce mec qui continue de se fouetter et de prêcher la bonne parole. Les gens qui regardent, la plupart quand même complètement bouche bée par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Vous voyez, du sang qui dégouline de son visage, de son corps en charpie, mais cette espèce de lueur dans ses yeux. Et puis il continue de prêcher la bonne parole. Le baptiste était le premier signe. Les chiens de l'enfer a craché sur les infidèles. Vous périrez tous sous son haleine corrompue, tout comme votre chef. Si vous refusez de vous repentir. Et il reprend de plus belle. Du sang commence à gicler à plusieurs mètres autour de lui. Vous voyez ses fidèles qui le rejoignent. S'assoit sur des tabourets sur lesquels ils ont déposé du verre pilé. Tout autour de lui. Et entame également leur séance de flagellation. Du coup, toi... mince, pardon. Flux, quand tu l'as entendu parler des eaux de vie qui étaient corrompues, assez rapidement, tu arrives à en déduire qu'il doit s'agir d'une métaphore pour les huiles élyséennes. Pour rappel, celles que les anabaptistes utilisent pour le combat. De ton côté, toi, Torik, tu avais fait un petit peu quelques recherches sur la région avant de venir. Et le premier signe, ces termes qu'ils viennent d'employer te parlent plus qu'aux autres, en tout cas. On dit que les flagellants se fouettent en tout cas jusqu'à l'apparition de visions, et que le premier signe pourrait être la première de ces dernières. Sur ce, le flagellant que se prénommant Skiroko reprend de plus belle. Sors de là, abomination! Affronte les péchés dont tu as affligé ton peuple! Il commence à pointer le cloître du doigt. Ah ouais. Que l'on puisse te jeter dans la poussière et te fouetter. Montre-toi que l'on t'arrache les yeux et que l'on te marque au fer rouge. Le serpent tente de se cacher. Le pu infecté. Voyez comme ils ont honte sous la peau facticide de leur déguisement. Ils doivent cercler nos mâchoires de fer pour éviter d'être noyés par la vérité qui jaillit de nos bouches. Et ainsi de suite, vous le voyez qui continue de parler. Certains thèmes reviennent, et puis commence à entamer une espèce de boucle. Le chien enragé, les yeux de vie corrompus, le premier signe. À vous, libre à vous ou non d'y croire, leurs propos n'ont jamais réellement été avérés, même si ils ont une certaine notoriété, une certaine influence. Dans tous les cas... Également, libre à vous de rester ou non sur cette place. Je crois, vu que vous aviez comme objectif de la traverser, vous pouvez parfaitement la quitter. Bah, perso, je pense qu'on va pas, en savoir plus en regardant un mec se fouetter. Ça va pas faire avancer notre enquête, je pense. Très bien. Je vais vraiment en devenir pas très joli. Vous partez donc, enfin, vous faites donc le choix de continuer en direction du club. Au loin, vous l'entendez continuer à déblatérer ses propos. Tout ceci, en effet, est assez perturbant. On dirait que les anabaptistes n'ont quasiment plus le contrôle de la vie, en tout cas de la ville, en tout cas commencent à le perdre. Et faut avouer qu'aussi la tension est relativement lourde, l'orage qui s'annonce. Vous vous rendez ainsi au pas, jusqu'au niveau du cloître. Ce dernier est gardé par deux orgastiques anabaptistes. Et lorsque vous vous rapprochez d'eux, vous reconnaissez leur faciès. Ce sont ceux que vous aviez combattus au bar l'autre soir. Enfin, combattus. À qui vous vous étiez opposé. Mokosh, en arrivant, eux qui t'ont vu en compagnie de Leto, tu les vois légèrement baisser la tête. Ils ont pas l'air d'être dans la rancœur, mais plutôt dans la honte, voire dans le regret. Chacun, enfin, ils savent que vous les avez vus, vous savez qu'ils savent que vous les avez vus, et vous pouvez, si vous le souhaitez, simplement continuer, ou alors vous arrêter, leur demander votre chemin. Moi, je me mets derrière mon coche, j'attends. Oh, on va pouvoir se guider nous-mêmes, je pense. Très bien. Je me permets 2 secondes. Ok. Vous continuez ainsi et vous vous dirigez à l'intérieur du cloître. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a le plan de ce dernier que j'avais posté. Il me semble. Oui, c'est ça. Donc vous passez tout d'abord par la porte principale avant de vous rendre sur la cour intérieure. Vous voyez sur les murs qui l'entourent et qui donnent accès à ce qu'on va appeler le premier étage, différents anabaptistes qui sont là. Certains montent la garde, d'autres patrouillent. Et vous observez, vous faites un petit peu intrus, on va dire, au milieu de tout ça. Dans tous les cas, personne ne vous pose problème à partir du moment où vous montrez la marque, le sceau des Mene Sato. Malgré le fait qu'il ne soit pas dans le cœur des Anabaptistes, surtout en ce moment, il s'agit tout de même du frère d'Altaïr, du défunt Altaïr, ils ont encore un poids en ville. Vous voyez également autour de vous, vous entendez ces espèces de bruits de forge, également de marchands, le bruit des lettres de change que sortent certains Anabaptistes en les tendant à leur armurier. Exactement. vous voyez donc tous un petit peu toute cette vie qui s'active. C'est comme s'il y avait une micro-ville au sein même de la ville. Le cloître rempli d'anabaptistes a sa propre manière de faire. L'un des leurs d'ailleurs vient vous voir et vous demande simplement pourquoi vous êtes là, ce que vous souhaitez faire. Que vous amène-t-il ici ? Demain. Ouais. On t'a pas très bien entendu, Jacquard. J'ai dit demande à la fille. Ah. On était venu voir un truc déjà. C'est quoi le nom déjà ? C'est le. Putain, merde. Aidez-moi les gens qui sont avec moi. Attends. Non, mais le nom du machin là où on a le droit d'aller aujourd'hui à partir d'aujourd'hui déjà, là, le nom c'est le. Cloître. C'est le cloître ? Non, pas le cloître. Le cloître, on y est déjà. Ouais. L'autre truc là où on est écouté et on peut nous répondre. Cloître. Non, le cloître, c'est le bâtiment. Je ne saurais te dire. Ah, vous voulez parler des audiences ? Ouais, voilà. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est fou. Ouais, les audiences. Ah, eh bien, suivez-moi, écoutez. Je vais vous y amener. Vous voyez qu'il vous amène jusqu'à la grande tour principale. Pas celle qui se trouve sur le côté, mais qui est plus petite et plus haute. Mais la deuxième, enfin mais la première j'entends. Qui d'ailleurs semble donner sur la deuxième. Vous y montez quelques vieux escaliers en pierre froide. Et vous arrivez jusqu'à ce qui semble être une salle d'attente. Où vous y retrouvez quelques anabaptistes et également Carmino Ferro. L'hospitalier. Vous voyez qu'il vous surprit de vous voir. Oh, vous aussi, là ? Oui, là aussi, là. Les audiences vous ont conduit jusqu'au cloître. Eh bien, parfait. Les anabaptistes qui sont devant vous rentrent dans la salle et quelques minutes plus tard vont en ressortir, vous laissant en place. Vous comprenez assez rapidement, en pénétrant à la sein de cette dernière, qu'il s'agit là des appartements privés de Neva, l'émissaire de fer. Vous y retrouvez d'ailleurs plusieurs anabaptistes, des orgastiques qui sont là en train de monter la garde, et Lucio Bastardo, le fils d'Altaï. Vos armes vous sont retirées à l'entrée. Évidemment, vous êtes en présence de l'émissaire de fer. Cette dernière, vous la voyez, assise sur un trône en bois, quelque chose de très sobre. Vous voyez autour d'elle différentes décorations, des tableaux là représentant elle ou son mari. En tout cas, l'image que vous pourriez vous en faire. Elle est là. Elle semble ravagée par la tristesse. Vous voyez une femme complètement détruite. Elle a d'énormes cernes qui prônent sous ses yeux. Des yeux d'ailleurs qui sont très faiblement ouverts. Pourtant, elle est relativement jeune. Elle doit avoir 30-35 ans tout au plus. Elle est très blanche, très pâle. Et une cicatrice, sans doute laissée après la guerre, arbore son visage. À ce moment-là, vous arrivez devant elle. Carmino est d'ailleurs avec vous. Très bien. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je vous laisse, si vous le souhaitez, prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez demander. On partira du principe que vous avez eu cette discussion dans la salle d'attente. C'est pas con d'avoir cette discussion. Bien sûr. Ouais. J'ai volontairement accéléré, mais en effet, ça vous laisse pas le temps de réfléchir à ce que vous pourriez vouloir demander. En tous les cas, vous pouvez également simplement, et c'est parfaitement autorisé, rester pardon, spectateur et laisser Carmino s'entretenir avec elle. Donc on est venu demander quoi? Bah j'en sais rien. Attends, le cloître c'était quelle piste déjà? Est-ce que vous je sais pas, on avait trouvé quelqu'un. Et de toute façon, de ce lieu on devait y aller, donc il y a une raison. Et c'était lié à... Est-ce que vous avez vu... Ah, je peux vous rappeler, si vous voulez, la liste des pistes. Enfin, je vois pas la montagne, mais que vous ayez eu précédemment. Cœur. Ok. Tu fais... que t'as lag, on t'entend pas beaucoup. Tu fais des signes des monosyllabes. Comme Souké. Putain, et cette référence, personne l'a. Hein? Ouais, non, c'est bien sûr. T'inquiète. On en parlera après. En fait, j'attends le retour d'Antoine, moi, perso. C'était une vraie piste, hein? Non, non, si, le cloître, c'était une vraie piste. On n'y a pas été juste parce que c'est ouvert. Ah, c'est ouvert, allons-y. C'est ouvert. Alors, je voudrais un menu Big Mac avec. À la base, peut-être que le MJ infirmera. Bah, je sais pas, on pourrait peut-être demander, ouais, je sais pas, au hasard, est-ce que vous avez vu un chroniqueur ou un putain de robot, que sais-je, dans le coin? Est-ce qu'il y en a un qui est censé être ici? Alors, effectivement, déjà, on doit demander de savoir si le chroniqueur fait partie de la haussphère, c'est pas bête. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut pas demander que ça. Non, mais effectivement. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu louche qu'il y ait cette concentration de chroniqueurs là. Juste après l'assassinat d'Altaïr. Pas une association par contre. Un mec seul n'est pas une association. Genre. Ouais, non, mais. Mais du coup. Et on peut toujours demander est-ce qu'ils ont des pistes sur qui aurait pu avoir assassiné le. Ouais, mais en vrai, moi perso, comme je suspecte un peu que ça vient de cette branche là, c'est super malaisant. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à répondre à vos questions. Peut-être que ça embrayera sur d'autres questions de votre côté. Dans tous les cas, ce que je dis, vous pourrez assister aux questions de Carmino Ferro qui lui en a certaines de son côté. Ce sera pas forcément les mêmes que les vôtres, mais bon, ce sera toujours ça que vous pourrez récupérer comme information. Alors, déjà, vous la voyez qui vous regarde avec cet air quand même relativement dur. Vous voyez que même si elle a l'air très faible, très fragilisée, c'est clairement pas la personne qu'il faudra emmerder. Mokosh, d'ailleurs, tu as déjà entendu parler du fait qu'elle ait fait couper l'oreille de jeunes apprentis qui avaient manqué de respect, par exemple. Eh bien, non, je n'ai pas entendu parler de chroniqueur dans ma ville. Je dois dire que vous êtes le premier. Ils n'ont rien à faire ici, il n'y a ni alcove ni commerce à effectuer. D'autant plus que ces derniers temps, toutes les transactions commerciales ont été réduites au strict nécessaire. D'accord. Maintenant, si les vôtres enquêtent sur nous, j'aimerais en être tenu au courant. Je ne pense pas que ce soit le cas, sinon je serai moi-même. Très bien, j'espère bien. Et oui, si nous avons des pistes, évidemment. Voyez-vous, l'homme qui vous a permis d'entrer ici, dit-elle en pointant le pass des Bene Sato. Ce vieux fou a dû répandre son poison en vous, comme il le fait à son habitude. Sachez en tout cas qu'Enyo était jaloux de son frère. Celui-ci avait pour lui trahi la cause Clanis pour rejoindre les Anabaptistes, et aurait voulu devenir maître de la ville à ma place. C'est pour se venger, à mon avis, qu'il a fait tuer, mon mari. Ah oui, voyez-vous, la femme avec laquelle il est marié, Gala Lombardi, il me semble, est une véritable traîtresse. Elle a quoi, 30 ans de moins que lui, c'est ça? À ce moment-là, vous voyez Lucio qui hoche la tête de haut en bas. Écoutez, toute cette histoire, je suis d'accord, pue le complot et la corruption de haut en bas, mais ce n'est pas ici que vous trouverez quoi que ce soit. Et où pensez-vous que nous pourrions avoir de plus amples informations? Allez-y, posez-moi vos questions. Disons que j'imagine que vous avez peut-être pas un peu les mains liées, mais vous pouvez pas ouvertement enquêter sur son frère pour pas amener des tensions supplémentaires. Donc peut-être que d'avoir des gens qui enquêtent de façon plus neutre et qui puissent vous donner des renseignements pourrait vous être utile, mais par la suite il faudrait pouvoir partager peut-être les commencer informations par être plus sympathique avec nous. En effet, vous pourriez vous faire passer auprès d'Enyo comme étant de son côté et au contraire enquêter sur lui, en tout cas en profiter pour le faire. Auquel cas, évidemment, toute information qui me permettrait de me débarrasser de lui une fois pour toutes sera chèrement payé, soyez-en sûr. Qu'il s'agisse de vraies ou d'informations plus... comment dire... Je sais qu'il est coupable, alors... monter une preuve n'est pas un problème pour moi. Moi j'ai un masque. Mais... Suspense. Nous ne pouvons plus parler. La discussion s'est figée, on regarde le plafond. On a tous un énorme malaise. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Carmino Ferro avance de plusieurs pas dans sa direction. Vous voyez les gardes derrière lui légèrement aux aguets. Il en manque un là. On est obligé d'enchaîner un petit peu, vous l'aurez payé. Ok, d'accord. Ah, voilà. C'est... Et il se met à prendre la parole. Écoutez, j'aurais quelques questions à vous poser. Vous le savez sans doute, j'étais le médecin personnel de votre mari. Inutile de vous le rappeler. Et pourtant, j'aimerais savoir pourquoi ce dernier a-t-il été enterré sans autopsie, ni même m'avoir laissé jeter le moindre coup d'œil à son cadavre. Il paraît... Sous quoi, vous la voyez qui commence à lui répondre. Eh bien, simplement, selon la tradition anabaptiste, nous aurions dû... exposer son corps, mais la blessure qu'il prônait était comment dire, n'était pas montrable. Ça aurait été l'exposer à la vue de tous comme un vulgaire morceau de viande. Alors nous avons préféré l'enterrer dès le premier jour. À ce moment-là, vous voyez Flux qui s'avance également. Non, c'est plus genre. D'accord, est-ce ok. Bah, c'est la conversation qu'on a eue avant. On a pu se mettre d'accord sur le fait de est-ce qu'on parlait de ce qu'on a vu au cimetière ou pas. Il vaut mieux pas en parler peut-être. Enfin, en justement, tout cas, je me dis pas avec la madame, mais avec Carmino Ferro peut-être. Mm-hmm. Parce que c'est lui qui nous a dit de le faire d'autre manière. Alors, après, ça peut dire à la madame, on a trouvé un putain de gros rocher à la place de la tombe. Oui. De... Non, mais alors, sinon on peut. Non, mais moi je le dis, je l'ai balancé. Hein. Ok. Non mais sinon non, mais on peut jouer. Moi je l'ai balancé, j'attendais que ça. On peut. On d'accord. Peut mais c'est celui qui sait rien. Ben ouais, et faire. Est-ce qu'il est possible de d'examiner le corps? Et dans ce cas-là. Aussi, ça peut être ce malin. Sera vu. De le jouer moins. dans tous les cas, c'est trop tard. Jacquard s'est avancé et commence à porter les informations. Non, mais en vrai, non, c'est mieux. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Du coup, je m'avance, et puis comme c'est moi le charcuteur fou de corps. Et dit que tu y vas genre avec le médecin de son mari, tu vois. Oui. Donc je vais vous écouter, voilà, vous avez bien pu voir. Vous pouvez commencer à tous me faire un jet de perception avec une difficulté de 3. Prenez votre temps, on continue, et puis dès que vous avez le temps entre deux lignes de dialogue, on en reparlera. Donc je balance le dialogue. Donc oui, excusez-moi, comme vous avez pu vous rendre compte, je suis spécialier, hein, et donc j'ai pas mal de fois travaillé avec mon camarade Pierre Miloferro. Et nous aimerions, si possible, pouvoir, dans le but de l'enquête justement, pouvoir examiner le corps d'Altaïr pour essayer d'accumuler des preuves qui pourraient nous être utiles pour savoir qui aurait pu tuer, aurait pu le tuer. Donc s'il était possible d'avoir accès au corps, c'était une très bonne chose. Je comprends votre approche, mais malheureusement, il n'y a pas de réel débat. Je veux dire, c'est évident, c'est les clans sont revanchards et tentent de nous affaiblir dans le but, j'imagine, de reprendre le contrôle de la ville. Vous avez sans doute pu apercevoir cette foule de flagellants que votre bon Ennio Benesato a laissé rentrer en ville. Auquel cas, le corps, nous avons décidé de le maintenir sous un rocher que nous avons volontairement déplacé, ce qui évitera les pilleurs de tombes. Comme vous le savez sans doute. Oui, j'imagine bien. C'est vrai que ça nous prive quand même de preuves potentielles. Mais nous savons très bien qui est le coupable. Oui, mais pour ça, il nous faut des preuves. Vous pouvez pas l'accuser à tort. Les preuves, ce sera à vous de les trouver. Si vous voulez être payé. C'est pour ça qu'il aurait été intéressant de pouvoir examiner le corps. Mais bon, vous avez décidé qu'il en était autrement. Donc, presque en réponse à ce que tu viens de dire, Torik, Carmino s'avance également d'un pas en plus. Vous voyez les gardes qui commencent légèrement à être aux aguets, même malgré tout. Et qui commencent à poser les affirmations suivantes. D'autant plus que votre défunt mari souhaitait me voir le matin de son meurtre. Il me semble qu'il s'est d'ailleurs fait assassiner avant de pouvoir prendre son cheval et se diriger jusqu'à mon infirmerie. Quels étaient les motifs de cette... cette entrevue, vous voyez l'émissaire de fer en face de vous qui prend une grande inspiration et puis elle vous regarde un petit peu l'air gêné. Allez-vous vraiment me forcer à déblatérer ainsi les problèmes de santé de mon mari? Et c'est d'ailleurs à vous qu'elle s'adresse, hein, en vous regardant. Elle ne regarde plus Carmino mais vous tout autour, puisqu'elle ne vous connaissait pas avant aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez qu'on réussisse à trouver qui est le meurtrier, et bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est... enfin, qu'on sait déjà, mais il nous faut des preuves. Il nous faut avoir toutes les informations possibles à notre disposition pour le savoir, et même des informations qui peuvent être plutôt gênantes, même pour vous. Car tranquille. Ok, très bien. Voyez-vous, après son retour de Franca l'hiver dernier, mon mari était faible. Il souffrait de fièvre et nous souhaitions nous entretenir avec notre médecin personnel. Et j'ai d'ailleurs tous me demandé de refaire un jet d'instinct perception. D'intelligence perception. Non, instinct perception, pardon. Une fois. Mmh. Avec une difficulté de 3, je ne l'ai pas précisé. Toi, Mokosh, alors qu'elle adresse ses mots, t'aperçois les deux gardes à l'entrée. J'ai deux. Perception. Instinct perception. Et du coup, oui, tu les, t'aperçois ces gardes à l'entrée, ces orgastiques, qui échangent des regards perplexes jusqu'à juste après sa réponse. À ce moment-là, Carmino commence à s'emporter. Ok, très bien. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ici ? Altaïr, le Baptiste, l'un des membres du conseil, est mort et notre enquête est entravée. On ne peut ni fouiller le corps, ni l'autopsier, ni espérer y jeter le moindre coup d'œil. Vous accusez sans preuve son frère et vous nous demandez d'enquêter pour vous. Carmino se sévèrement à s'emporter, qui refait un pas vers l'avant et qui dit et sachez d'ailleurs que je ne vous crois pas, je suis persuadé qu'il avait autre chose à me dire, c'est fiable, c'est n'importe quoi. Lucio, à ce moment-là, le voyant partir un peu trop, s'approche également. Ouais, je fais un pas, mais... L'allié quitte la pièce en claquant la porte. Ce qui vous laisse tous les quatre face à l'émissaire de fer, dans un espèce de silence malaisant. Pendant que les orgastiques à l'entrée continuent de se regarder l'air gêné. Raison. Seuls les rats quittent le navire. Écoutez, veuillez excuser un petit peu la façon dont mon camarade s'est exprimé, mais c'est juste que pour lui et sa rigueur par rapport à tout ça, il est difficile de concevoir de ne pas pouvoir faire son travail de la meilleure des manières. Malheureusement, la foi de mon mari passera et ses dernières volontés passeront avant. Je comprends tout ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste qu'il va falloir maintenant qu'on puisse trouver d'autres pistes qui puissent nous amener à trouver, à justifier de sa culpabilité. Et donc, si possible, si vous aviez des pistes à nous donner ou même des informations qui pourraient être utiles pour nous amener à ça, ce serait plutôt une bonne chose. Eh bien, ce n'est pas grand-chose, mais j'ai entendu dire qu'un Africain avait été aperçu à plusieurs reprises en ville. Il y a de cela. Un Africain, oui. Un Néo-Libyen. Alors, je dois avouer que sa présence ici n'est pas pour me rassurer, même si nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis quelques temps déjà. Quand elle dit ça, je regarde Mokosh d'un coup d'œil rapide. Il y en a plein des Africains. Ouais, mais bon. Mokosh est devenu une crypto-facho. Il faut avouer qu'en effet, sans doute le néo-libyen, sans doute le seul qui doit s'y trouver. En fait, étant donné que la plupart des pays sont guerre, quasiment en tout cas, c'est pas monnaie courante maintenant. C'est évidemment pas parce qu'un Africain en vie que c'est lui qui a assassiné son. Mais on avait eu vent quand même pour lui qu'il était parti avec des anabaptistes, non? Qui ça? Notre Africain. Ouais, notre petit Africain. Ah. J'ai plus son nom. Ada. Oui, voilà. Eh bien, oui, il me semble. Ah, c'est ça, en fait. C'est plus pour Ada, en fait, que je Mais non, il faut oublier qu'il n'y a pas non plus un seul Africain en tout en Europe. C'est sûr. Vous êtes déjà retombé sur lui une fois par hasard. Ça pourrait. Mais il n'y a pas non plus de raison que ça que ce soit lui. D'accord. Mais, ça me fait... À part la couleur de peau. Ça me fait penser à lui, quand même. Ouais. Et je me permets juste, je suis pas en train d'envoyer des messages, mais simplement, je vais faire un partage de connexion pour espérer enfin envoyer ce putain de portrait depuis tout à l'heure, j'essaye, et ça ne veut pas. Et du coup... ouais, bon, alors du coup, on a une piste avec un Africain. Bon, c'est léger, mais... C'est déjà ça. Bon, on court un peu après les fantômes, là, entre l'Africain et le chroniqueur... C'est vrai. Sinon, rien d'autre, je sais pas, des disputes, des choses qui pourraient faire en sorte que des événements qui se seraient passés récemment et qui auraient pu être suspects. Eh bien, à part l'arrivée des flagellants invités par Regno, je ne vois pas, non. Ou peut-être cette recrudescence de Jamethan de l'autre côté du fleuve Adriatique. Ok. Forcément. Aussi des... Il paraîtrait qu'il rassemble une armée. Alors écoutez, on les a vaincus une fois, si... S'ils reviennent, qu'ils assument. Mais vous détestez à ce point-là, en fait. Pour ma part, je pense que... si on me laisse la possibilité, j'aimerais aller voir mes camarades dans le village voisin pour essayer d'avoir de plus en plus d'informations. Si on sait jamais s'ils en possèdent. Je vois pas vraiment ce qu'ils pourraient vous donner comme information, mais si vous le souhaitez, allez-y. Je vous remercie. Du coup, moi, je regarde les autres. J'ai moi aussi, vous avez des questions. Moi, j'ai fini. Non. Moi, je vais m'en aller. Du coup. Moi, je me casse. Je suis. Hein. C'est bon, vous pouvez enfin apercevoir son visage, vous regardez avec ses yeux creusés au moment maintenant où la conversation est finie. C'est un moment où vous quittez ses appartements. Ah mais ressemble à ça. Passez sous le regard presque grognon de Lucio Bastardo et refermez la porte derrière vous. Carmino Fleuro n'est plus là visiblement et vous redescendez ainsi le long de la tour. Vous n'avez plus besoin de guide pour retrouver la sortie. Au moment où vous descendez, vous adressez un dernier regard au niveau de la tour, et certains d'entre vous, en tout cas Torik et Mokosh, au milieu de ces espèces de grands morceaux de pierre amoncés les uns sur les autres, et cette petite fenêtre qui donnait vers la chambre des audiences, donc ces appartements, où... Est-ce que c'est un papillon qui en sort ? En si haute altitude. Étrange. Dans tous les cas, vous êtes surtout perturbé par un espèce de bruit de caisse brisée que vous entendez cette fois-ci du coup à l'opposé de là où vous regardiez, plutôt en direction de la sortie. Et au moment où vous allez enfin tous ensemble avoir retraversé le cloître pour en sortir, parce que j'imagine que c'est votre objectif, vous apercevez en effet plusieurs ravis qui sont posés là, au milieu des débris brisés des caisses, avec au milieu d'elles un anabaptiste, un vieil anabaptiste. Toi, Mokosh, tu l'avais déjà aperçu à l'enterrement d'Altaïr. Il était là et serrait la main des différentes personnes près de la tombe qui venaient y entreposer des fleurs. Ça semblait être un proche d'Altaïr. Il s'agit même d'Abacus, l'Élyséen. C'est lui qui a créé les huiles élyséennes. Et vous le voyez qui se précipite vers l'une des ravies et qui commence à l'engueuler. Mais je vais t'apprendre, moi, à faire attention, avant de lui adresser une claque qui a retenti relativement, on va dire, fort, qui l'a fait même chanceler et qui t'arrive dessus, Jacquard. Elle manque de trébucher et s'agrippe à toi pour ne pas finir la tête dans la boue. À partir du principe qu'il va la redresser, la poser, enfin, la décaler sur le coup. Pendant ce temps-là, vous êtes obligé de faire un léger détour pour contourner les débris des caisses. À moins que vous comptiez intervenir, hein, je ne sais pas. Mais si vous faites quelque chose, n'hésitez pas. Très bien. Et vous arrivez au niveau des fameux Anabaptiste, qui baissait la tête tout à l'heure en vous voyant arriver et qui également vous avez rencontré au bélier ensanglanté. Et l'un d'entre eux s'approche de toi, Mokosh. Ah. Tu vois, il a l'air un peu reclus. Et oui, c'était juste pour dire que on est désolé pour l'autre soir. On avait un peu trop bu et... On a rien à faire. Je m'en vais. Ok. Rien à faire, tu te précipites et vous leur passez dessus comme si de rien n'était. Vous commencez à sentir les premières gouttes qui vous tombent dessus. En effet, Dana avait raison, l'orage s'annonce. Et s'annonce d'ailleurs relativement violent, vu la couleur des nuages dans le ciel. C'est une belle journée. Assez rapidement, toujours c'est le pire. Non, non, mais... Assez rapidement, ces quelques gouttes commencent à se transformer en averse. Vous traversez la ville, vous repassez au niveau de la place où l'eau sur le sol se mêle au sang des flagellants qui sont toujours là, en train de prôner la bonne parole et de se mutiler. De peau, vous voyez l'un d'entre eux avec le dos complètement ouvert, complètement déchiré. La scène est plutôt morbide, alors vous n'y prêtez pas plus attention que ça et vous vous rendez jusque chez Dana en attendant que le déluge complet s'abatte sur vous. Encore une fois, vous vous y arrêtez pour manger légèrement. Enfin, en tout cas, c'est votre objectif. Mais si vous souhaitez, avant ça, faire une escale à tel ou tel endroit, n'hésitez pas à me le dire. Vu l'état météorologique, ça me semble logique qu'on aille se réfugier. Enfin, après, si quelqu'un n'est pas d'accord, qui veut dire. Mais on va se réfugier où ? Je peux être suivi du coup. Chez. À la maison des émissaires. Oula, la maison des émissaires. Ouais. Oh. Là où on va depuis le début, quoi. Dans notre hôtel, quoi. Ouais, d'accord. Notre hôtel. Au moment où vous entrez à l'intérieur de la maison des émissaires, vous n'y croisez pas que Dana. En effet, deux autres anabaptistes sont là, assis à la table où vous avez vous-même pris votre petit déjeuner. Ce semble être des... Excusez-moi. Petit trou de mémoire. Des ascètes ? Exactement, merci. Donc pas les orgastiques, mais des ascètes. Ils sont là. À moitié bourré, en train de boire et de consommer avec Dana ce qui semble être le meilleur alcool anabaptiste. Vous la voyez qui, en vous voyant rentrer, se lève de son siège un peu paniqué et... Oh, excusez-moi, je vous attendais pas si tôt. Je pensais que vous en auriez au moins pour la journée. Oui, mais il y a l'orage. Ah, oh, je suis vraiment désolé, excusez-moi, je... Vous voyez, mes cousins venaient m'apporter... et à ce moment-là, vous en voyez un qui commence à pouffer de rire. Ouais, les cousins, ouais. Vous la voyez un peu gênée qui commence à récupérer les bouteilles entreposées. Si vous voulez que... Ouais, une des bouteilles. Ouais, non, je bois un coup. Ah. Tu vois qu'elle t'invitait plutôt à... Enfin, vous demandez si elle devait chasser ses invités, mais bon, elle te pose la bouteille, elle te la donne à la main. Parfait. Mokosh va rejoindre ses patriotes, ses compatriotes, et commence à ouvrir cette dernière et à boire avec eux. Pendant ce temps-là, Jacquard monte dans sa chambre. Et quand il se connecte, il redescend et il fait tic tic tic tac tac tac tac tac. De l'autre côté, Torik et Afflux, que faites-vous ? Il y a une table où s'asseoir, parce que là, visiblement, nous ne sommes pas invités. Et que... Non, bah si, en tout cas pour l'instant, Mokosh est assis. Nous ne sommes pas invités. Il y a des bureaux à l'étage dans vos chambres, mais en bas, c'est la seule table. Avec celle de la cuisine. Allez, allons parler des résultats de la journée dans votre chambre. Parce que vu qu'ici, apparemment, c'est pris pour d'autres activités. À qui tu t'adresses ? Bah, hospitalier et au juge, du coup, s'il veut bien nous joindre, à part s'il part faire de la trinque. Aux gens qui trinquent pas, quoi. Aux gens sérieux. Il me semble qu'il avait proposé d'aller boire un coup avec eux, je crois. Bon bah du coup je propose hospitalier. Il allait s'attabler mais oui. Non, mais je vais me coucher. Ah ouais. Mais vous pouvez vous joindre à nous pour faire le bilan de notre journée, ça peut être bien aussi. Comme vous voulez. En tout cas, on voit Mokosh, elle est déjà en train d'enchaîner les l'alcool. Tu sais, le truc, elle vient à peine de s'asseoir, elle est déjà bourrée en train de vomir. Mokosh, genre c'est les binge drinking. Qui vont s'enchaîner, à quelle proportion vas-tu boire? Jusqu'à en mourir. Très bien. On perd un personnage. Je pense que ce personnage a des problèmes psychologiques. Écoute, t'as qu'à sniffer la brûlure que Torik s'est toujours pas débarrassé. Je vais te demander un jet de défense mentale, aka foi et volonté. Psyché foi du coup. Donc face. Psyché foi. Avec une difficulté. La dernière fois que j'ai fait un jet comme ça, j'ai presque jeté quelqu'un du haut d'un bateau. Avec une difficulté, elle va commencer de 2 pour les deux premières pintes que tu vas te servir. 3 réussites qui sont 3 déclencheurs. Combien de jets tu veux que je fasse? Alors, attends, excuse-moi deux secondes. Alors, donc tu m'as dit, tu as fait combien? 3 réussites qui sont 3 déclencheurs. Ok, d'accord. Donc en effet, tu enchaînes les deux premières pintes, la deuxième cul sec. Tu vois les gars qui te regardent bouche bée et qui se resservent à leur tour. Ils t'en proposent une troisième. Bah oui. Ok, refais-moi un G avec, avec un dé supplémentaire, étant donné que t'as fait 3 déclencheurs. 4 réussites, donc 2 déclencheurs. N'empêche que si elle meurt, ça serait la mort la plus nulle de Genesis. Elle va les allonger. Hein. Ça commence à s'enchaîner. Tu les vois, eux, alors ils ont leur petit bide, tu vois, déjà à bière. Et t'en proposes, écoute, une quatrième. On passe déjà à 2 litres de bière. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, vas-y. J'enlève le dé supplémentaire. Pardon ? Avec un dé supplémentaire toujours, ouais. Okay. Nous, on est d'accord, on n'est plus là. On non, est monté, là, vous n'êtes pas là, ouais. Ok. Ça descend peu à peu, c'est très rigolo. Donc, 3 réussites, dont un déclencheur. Tu commences à flancher. Tu vois que tu commences à ne 35 réussites. Attends, 351 déclencheurs. Non. Tu vois, tu commences à voir la vue se troubler. Tu vois les quatre anabaptistes devant, les deux anabaptistes devant toi qui commencent à te parler. D'ailleurs, si jamais tu veux leur poser des questions, quel que soit le sujet, n'hésite pas. Hein. Tu vois qu'eux, ils sont quand même relativement alcoolisés également. Ils commencent à avoir la parlotte facile. Ils commencent à parler d'Abacus, les lycéens, qui les fait travailler comme à l'armée. Qui les respecte pas, qui leur donne des ordres en permanence et les méprise. Le fait qu'il n'ait pas le droit d'aller dans les sous-sols du cloître et que cette zone est uniquement réservée aux Élyséens et à leurs plus proches collaborateurs. Est-ce que tu veux continuer de jouer là-dessus ou est-ce qu'au contraire tu t'en fous, tu préfères te noyer dans tes problèmes à toi? Bon, je vais me noyer dans mes problèmes, hein, écoute. Parce que c'est pas très intéressant ces gens. Très bien. Pendant ce temps-là, vous deux. Donc Torik et Flux, vous discutez à l'étage. Du coup, moi, je profite du moment pour dire à Flux. Du coup, t'es avec nous ou pas? T'es pas resté en bas, lui aussi. Ah non, il allait se coucher. Oui, excuse-moi. T'es resté avec nous ou t'es parti te coucher? Ouais, je suis parti me coucher. D'accord. Du coup, je dis à Flux, oui, au fait, si jamais tu trouves que Mokosh est un peu bizarre, un peu distante, voire un peu énervée aujourd'hui, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. Et c'est l'anniversaire de notre amie Abby qui est décédée. Du coup, elle n'est pas dans un bon jour. Ouais. Voilà. Donc. Enfin, voilà. Donc sinon, bah, par rapport à ce qu'on a donné comme info, je pense qu'il faut revoir votre chef. Ça m'a l'air d'être le plus. Carmelo Ferro. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que ce serait bien d'avoir son avis. Et il m'a l'air plutôt intéressant. Et vu son discours auquel j'accroche totalement. Tout à l'heure, je pense qu'il peut être, qu'il peut proposer de bonnes pistes. C'est vrai. Faudrait qu'on essaye de se retrouver. Maintenant, je sais pas du. Est-ce qu'on sait où il est, Carmino? Où est-ce qu'il crèche? Du tout, non. On ne sait pas. Okay. Faudrait essayer de savoir où. Sans doute à l'hospice. J'espère que demain l'équipe sera un peu plus fonctionnelle parce qu'aujourd'hui ça a été un peu. Écoutez, oui. Est-ce que, à ton avis, je peux essayer de concocter parce que j'imagine qu'elle va se bourrer la gueule, enfin, la connaissant, j'imagine qu'elle va se défoncer la tête, on est bien d'accord? Je la connais assez pour le savoir. Est-ce que je peux essayer de lui concocter quelque chose pour la requinquer un petit peu parce que demain elle va être défoncée. J'ai l'impression que le ton est un peu. Ouais. Désolé, je vous demande deux secondes. Bon, continue toi, ça tu penses. Ouais, bah, vas-y. Bah. Bon, attends, les nuits quand les gens vont se coucher, c'est là où il y a les. On se rappelle tous de la session d'Apocalypse, mais. Mais oui, donc effectivement, Carmelo Ferro, il faudra essayer de le rencontrer. Pourquoi pas essayer de le voir demain et puis de s'accorder sur ce qui pourrait être intéressant de développer et quitte même à l'intégrer dans l'équipe pour qu'on ait un peu plus d'idées, de pistes. Mm-hmm. Et dites-moi, Spitalier, vous qui avez un sens de l'esprit plus esthétique, vous en pensez quoi pour l'instant de cette histoire? Je dois dire que c'est troublant, mais c'est même quelque part c'est trop simple. Vous voyez, on a une victime, enfin une, on a la victime et on a l'assassin qui est tout trouvé, enfin, c'est trop évident quelque part. Peut-être que quelqu'un pourrait se servir de ça pour nous emmener sur une mauvaise piste. Donc je pense qu'il faut pas se concentrer. Tout trouvé, vous pensez à son frère hein? À son frère, voilà. Je trouve que c'est trop évident en fait. J'envisage que de façon très peu probable cette possibilité. Pas grand chose qui corrèle, et à vrai dire la seule chose qu'on nous a demandé à la conversation c'est trouver des preuves, sachant qu'elle avait dit qu'elle était plutôt pas très regardante sur la qualité des preuves quoi. C'est ça, donc disons que oui, il va falloir qu'on entrevoie toutes les possibilités et même celle que ce soit elle qui les fait assassiner. Il faut que j'arrive à savoir le lien aussi avec le chroniqueur. Et ça aussi. Il y a une faible chance, selon des hypothèses que j'ai faites tout au long, que ce chroniqueur appartient à une sous-branche un peu cachée parmi nous, qui sont tout simplement, eux, autorisés à utiliser des armes mortelles, que nous ne faisons pas. Et... Ok. C'est une des raisons pour lesquelles il pourrait être en mission totalement secrète et qu'il soit autant caché, parce que c'est quand même étrange que personne connaisse son existence ici. Cependant, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut le craindre, mais ça pourrait expliquer pourquoi il est aussi dur à trouver. Et auriez-vous un moyen ou une façon de pouvoir le débusquer ou de rentrer en contact avec lui? Vous vous doutez bien que si j'en aurais eu un, je l'aurais déjà utilisé depuis tant que je cherche. Vous n'avez pas de code, je sais pas, entre vous pour essayer d'établir un... Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas une preuve de sa présence. Maintenant, avec le drone, on sait qu'il est là. Et il faut concevoir aussi que malgré l'utilisation du drone qui me fait dire que c'est un chroniqueur, on peut entrevoir l'idée que ce n'en est pas réellement. Même si cette probabilité m'a l'air très très très très faible. Bon, jamais. Effectivement. Que de mystère. En effet, au moment où vous redescendrez, vous y retrouverez Mokosh dans un état complètement... comment dire... dépravé. Elle est là, à moitié en train de joncher le sol, noyée dans son propre vomi. Bon, pas au sens littéral du terme, elle est toujours vivante, mais... Je vais aller m'occuper d'elle, un petit peu. J'allais vers elle pour essayer de... Très bien. Bah, je peux aider, même si je pourrais pas faire grand-chose, genre pour la porter... Pour dire que l'après-midi... elle sera difficilement, on va dire, utilisable. Je pense que là, jusqu'au lendemain, c'est foutu. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu penses que j'aurais la possibilité, étant donné que je suis médecin, de concocter quelque chose pour la rebooster un petit peu, tu vois? Pas forcément lui enlever totalement son truc, mais bon, juste la... Oui, au niveau de la cuisine, booster, tu peux essayer d'assembler quelques... Bah, fais-moi j'ai simplement de science, j'ai envie de te dire. Science. Ça pourrait l'aider. Science médecine ou science tout court? Intellect science. Intellect science, d'accord. Ah bah c'est pas mal ça. Très bien. En effet, tu prends et tu concoctes de quoi légèrement la revigorer. Tu récupères quelques herbes que tu connais au niveau de la cuisine. Évidemment, tu lui fais boire également beaucoup d'eau pour la réhydrater au possible. Et une fois qu'elle a arrêté de vomir, la faire manger de manière convenable. Les deux amis d'ailleurs de Dana sont partis à leur tour également. En début de soirée en tout cas. Et en effet, vous allez passer la fin de l'après-midi... en attendant la fin de l'orage, qui dévaste complètement la ville d'ailleurs. Alors, toutes proportions gardées, hein, mais les bâtiments sont pas en train de s'envoler. Mais vous entendez des volets claquer, vous sentez l'humidité passer à travers le toit au niveau de certaines parties de la maison, même si, heureusement pour vous, elle est relativement luxueuse. Vous pensez aux pauvres gars qui se trouvent actuellement à l'hospice et qui doivent enchaîner les seaux pour remplir ces derniers de l'eau qu'ils doivent goûter. Des quelques planches qui leur servent de... fin de soirée également, vous verrez Jacquard, qui visiblement était sorti se faire une balade, rentrer complètement trempé à l'intérieur. Vous profitez de cet après-midi pour vous ressourcer les uns et les autres. Et le lendemain matin, oui. Vu les questions que m'avait posées mon collègue... Italien. Du coup, j'ai voulu utiliser cet après-midi aussi pour réfléchir, parce que je sais qu'il n'y a pas, de ce que je sais, il n'y a pas un code genre pour se retrouver. Mais s'il n'existe pas un moyen, c'est qui pourrait m'aider à trouver comment, enfin, c'est sur ce qu'on nous a appris. Si je sais, je peux pas essayer de faire un peu déduction pour voir comment, où est-ce qu'il pourrait être, tu vois. Deux. Le chroniqueur. Lui, il continue à me. Ok. Alors, tu vas me faire un G. Après, je me doute bien, ça n'a pas donné son adresse exacte, hein, mais c'est dans Google Maps. Oui, toujours aller, il a... toujours aller aux 34 rues. Je vais dire intellect focus. Ok, alors deux secondes, je réouvre mon. Pour te concentrer. C'est le moment de faire un pur jet de la mort. Ou légende d'ailleurs. Eh, ça va, j'ai 5D en vrai. Ouais. Un peu peur, mais ça suspense. Vous aimeriez savoir. Trois réussites, un déclenché. Même pas. Oh mince. Qui était presque. On est deux réussites, un déclenché. Ah non. Okay. Bien. Ok. Alors, en effet, un code comme ça pour pouvoir le retrouver, malheureusement, non, c'est trop compliqué. Mais peut-être en envoyant un message au chroniqueur depuis la radio du ferrailleur, pourquoi pas. Mais bien sûr. Peut-être un moyen de le retrouver. Mais bien sûr. Bah oui. D'ailleurs, si tu souhaites y rendre. Bah en vrai, vu que c'est dans l'après-midi, oui, je pense que j'explique vite fait au chroniqueur, j'ai un petit boulot et enfin, je lui explique en gros, il y a peut-être un moyen que je trouve et j'y vais quoi. Ok. Alors donc du coup tu te rends au niveau de la forge de Custus. Custus le ferrailleur qui t'ouvre avec son sourire habituel, tu vois qu'il est super content de te voir arriver, c'est presque un honneur pour lui de pouvoir accueillir à nouveau un chroniqueur dans son humble échoppe. Alors, avez-vous des nouvelles ou besoin de quoi que ce soit? J'ai effectivement besoin de ta radio. Ah, ok, bah bien sûr, écoutez, elle est dans l'arrière-salle, juste là-bas. Je vous laisse l'utiliser, je n'aurais pas grand mal à vous en emparer. D'ailleurs, si jamais vous voulez bien, cette cible déconne légèrement, j'imagine que vous auriez peut-être plus que moi les compétences pour la réparer, même si en effet c'est plus ou moins mon domaine à la base, mais... J'ai rarement eu l'occasion de m'intéresser aussi de près à des artefacts comme ça. Je m'en occuperai, ferrailleur. Ok. Tu te rends au niveau de l'arrière-salle. Tu peux refermer une petite porte derrière toi pour être sûr de ne pas être entendu. Et tu peux commencer, si tu le souhaites, à contacter le serveur. Bah, avant ça, je vais surtout voir ce qu'elle a. C'est comme il dit qu'il marche pas bien. Ça doit être composant, c'est quoi? Genre juste voir... Si je peux l'améliorer pour après l'utiliser, comme plus malin que l'utiliser et après l'améliorer. Elle est enrhumée, la radio. La radio est enrhumée. Trouve une solution. Avec le bouquin derrière. En effet, tu vas me faire un jet d'intellect engineering. Ok. Un jet d'agilité crafting pour la réparer. Donc intellect. Qui va pas, et le deuxième sert à le réparer. Ok. Donc, engineering. Ça normalement je crains pas trop, j'ai pas mal de dés. Oui, les deux avec une difficulté 3. Ok. Premier c'est réussi. Ok, bah le premier c'est réussi, ce que j'ai fait, 3 réussites, un déclencheur. D'accord, et il faut 2 réussites pour le second. Ok, et le deuxième étant agilité. En effet, il y a un petit câblage, il y a une espèce de faux contact à un moment. Fait que le son est atténué, mais bon, rien de grave. C'est... De réussite, un déclencheur. Eh bien, parfait. Tu le répares sans trop de problèmes, sa radio. Tu commences à contacter le serveur et... Pardon. À l'autre bout de la transmission, tu reçois un autre chroniqueur qui s'adresse à toi. Et du coup... Oui. Alors, juste question. Donc là, du coup, je parle au serveur qui est dans le village d'à côté. C'est ça? L'idée, non. Alors là, c'est que tu... Oui, c'est ça. Et qu'ils peuvent retransmettre ensuite jusqu'au serveur, on va dire vraiment le serveur. C'est vrai que je ne devrais pas utiliser le terme de serveur, plutôt de relais, tu vois. Ouais, ok, ouais, ok. Donc là du coup, ok. Non, c'était pour être sûr d'avoir... Non, là, pour le coup, c'est des radios qui ont une... qui permettent de télécommuniquer, mais à une distance relativement réduite, malgré tout. Ok, bah du coup, je suis avec toi, le relais. Tu demandes assez rapidement ton matricule, que tu peux le citer évidemment par cœur sans problème. Bien sûr. Et du coup, je suis en mission, comme dit pour la femme, et j'ai eu vent dans... Et j'ai oublié le nom de la ville, pardon. Est-ce que tu peux juste me répéter le nom de la ville où je suis? C'est comment, je peux pas avoir les notes? Lucatore. Merci. Et j'ai eu vent d'un chroniqueur à Lucatore que je n'arrive pas du tout à contacter. Est-ce que vous pouvez savoir, du coup, demander au serveur s'il y a effectivement un chroniqueur envoyé en mission ici? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai un moyen quelconque de le contacter? Non, on va te faire foutre. Il fait « Eh non, c'est un prank, vous avez appelé au bon numéro !» Malheureusement, alors, oulala, pas le scénario. On va pas ouais, attends, non, tourne par là. Ouais, non, par là. Bon, non, mais... Bon, ça se voit pas bien, mais il y a que deux réussites sur 5D. Oh, petit... Ah. Bon, de 1. Il peut pas transmettre un message au serveur. T'avais évidemment, alors si, ils peuvent transmettre le message, mais de notre côté, nous n'avons point entendu parler d'un quelconque chroniqueur en ville. Mm-hmm. Vu sa discrétion dans la ville, je pense que ça doit... Soit ça vient de très haut, soit il est pas là de manière très honnête. En effet, c'est possible qu'il ne soit que de passage. Dans tous les cas, si il était là, nous nous en serions rendu compte depuis longtemps. Ok. Bah, je compte sur vous pour transmettre le message au serveur. Coordonnées et votre demande au serveur. Merci beaucoup. Il vous inculquera 15 lettres de change. Nous vous recontacterons d'ici peu. Et tu coupes le truc de la radio, voilà. Terminé. Je vais passer la suite où tu retournes voir le ferrailleur, tout content que sa radio marche à nouveau, et que tu retournes au niveau de la maison. Bon, par contre, je lui dis effectivement de venir me contacter s'il a... Bien évidemment. C'est bon. Sans ton matricule, ils lui balanceront pas de données comme ça, sensibles. Le lendemain matin, vous vous réveillez. Toi, Mokosh, t'as encore un peu la gueule de bois, même, complètement. Et c'est assez difficile de t'extirper ainsi de ton lit. On est actuellement à l'aube du... Comme d'habitude, vous vous retrouvez tous les quatre en bas à manger votre petit déjeuner en compagnie de Dana qui est là à faire la cuisine et la vaisselle. De quoi parlez-vous? Quel est votre prochain projet? Je vais prendre un pain puis je vais sortir en ville. Elles sont bonnes tes oranges, Flux. Dors les. Très bien, donc Jacquard, est-ce que vous se rendre en ville? Est-ce que vous souhaitez vous y rendre avec lui? Mais ma foi, oui. Hein. Bah, de toute façon, il faut bien que. Il faudrait qu'on aille chercher Carmino Ferro. Donc, en y allant, on fait notre petit tour en ville. Tendre l'oreille s'il n'y a pas quelque chose qui. Parfait. Vous vous rendez tous les par quatre. Par contre, je ne prends pas de petit-déj. Hein. Moi, j'ai dit, je prends un pain, puis j'y vais directement dès que je suis levé. Ok, d'accord. Où est-ce que tu te rends? Alors, si j'ai bon souvenir. À Place des Marchés. Ok, très bien. Bah dans tous les cas, c'est là où vous vous rendez vous aussi, parce que Carmino Ferro se trouvera forcément au niveau du Bélier Ensanglanté, au niveau de l'Hospice. Donc de toute façon, tout se trouve au niveau du centre de Lucatore. Ça évitera de vous séparer, ce sera un petit peu plus pratique. Vous vous rendez ainsi jusqu'au centre de la ville, et en effet, le juge a ouï dire qu'il allait s'y trouver une reconstitution des batailles du bassin Adriatique. Et vous pouvez admirer, à la place des flagellants qui s'ouvraient le dos au nez et à la barbe de la foule, des enfants habillés comme Lucio Bastardo, Nevan Anabaptiste ou encore Altair, en train de se battre contre d'autres enfants vêtus de peau de chèvre et de bâtons ou de pierres, qui parlent avec un fort accent de l'Est. Et en effet... vous apercevez dans la foule différentes personnes que vous avez déjà rencontrées. Vous y retrouvez les neveux d'Ennio Benesato, mais également un peu plus loin Fernex le chasseur, ainsi que Custus le ferrailleur qui est là. Visiblement, quasiment toute la ville est réunie ici pour assister à ça. C'est la première distraction autorisée en ville depuis le meurtre d'Altair. Mais il y a également Carmino Ferro. Lui est un petit peu plus en retrait. Au niveau d'une des ruelles entre deux bâtiments. Et au moment où tu l'aperçois, Toric, tu le vois qui te fait signe de l'approcher. J'y vais. Moi, je demande un signe de la main. Pardon ? D'un signe de la main, j'essaie de faire comprendre si j'ai le droit de venir. Parce que comme je sais que la conversation peut être... Je t'emmène avec moi, de toute façon. Mais sait-on jamais ? Je viens aussi, alors, j'imagine. Ok, si ouais. Bah, oui, ceux qui veulent venir sont les bienvenus, il n'y a pas de... Vous arrivez jusqu'à lui, il commence à engager la discussion avec vous. Et excusez-moi pour la dernière fois, j'ai eu du mal à garder mon sang-froid en compagnie de cette Anabaptiste. Disons qu'elle a le don pour mériter. Je me suis toujours très bien entendu avec son mari, mais avec elle, ça a toujours été un petit peu plus compliqué. En quel cas, nous n'avons pas pu parler de ce que vous avez découvert ou pas au niveau du cimetière. Je sais pas si vous avez fait des découvertes intéressantes. Un rocher. Un très gros rocher. Décidément, quelqu'un souhaite... quelqu'un s'assure à ce qu'on ne puisse pas accéder au corps de... Bon, on sait c'est qui, pour le coup. Bah, c'est elle qui l'a mis, de toute façon. Une vraie vipère. Ça cause des choses pas très nettes. Et de votre côté, qu'avez-vous trouvé d'intéressant ? Eh bien... En effet, Altaïr, le jour de son assassinat, souhaitait se rendre... en tout cas, m'avait convoqué. Je ne sais toujours pas de quoi est-ce qu'il souhaitait me parler, mais tout cela est bien étrange. Il faut avouer qu'il faisait rarement appel à moi, malgré tout. J'ai toujours été son médecin personnel, mais... nous avions nos occupations, et voyez-vous, ce n'est même pas moi qui me suis occupé de la... Comment dire, de la... de l'accouchement de sa femme, par exemple. Même si, paraît-il, c'est-il fort bien déroulé. Mais, dans tous les cas, j'aimerais que nous définissions une stratégie d'approche. Tout à fait. Il va falloir que nous essayions de réunir le plus d'éléments possible. Bah, disons que des éléments aujourd'hui, nous en avons peu, même quasiment aucun. Elle a bien voulu nous dire que, mais bon, venant d'elle, disons qu'il faut prendre tout avec des pincettes, mais qu'il y avait un Africain en ville. C'est une piste pour le moins pas vraiment intéressante, mais voilà. Ouais, ça veut tout et rien dire. Vous voyez, pendant que vous parlez, vous entendez ces espèces de rires d'enfants qui passent dans la ruelle juste en face de vous. Vous êtes obligé de vous écarter un petit peu pour rester en retrait et vous entendre parler. La ville semble enfin reprendre vie, ça fait plutôt plaisir à voir. Oui, et même Carmino Ferro esquissait un sourire en voyant ses bambins tout joyeux passer juste devant vous. Ouais, excusez-moi, oui. Oui, donc, a priori, il y a cette piste-là qui est un tant soit peu pas très intéressante. De notre côté, Efflux est en train d'essayer de trouver ou de rentrer en contact avec a priori un chroniqueur qui serait lui aussi présent sur Lucatore. Nous avons eu affaire à lui via un drone. Mais, un drone on... Oui, un drone quand nous sommes allés au cimetière. Il nous a quelque peu foncé dessus, si je puis dire. Qu'est-ce que les chroniqueurs foutent ici? Tu vois, Flux, il te regarde en pointant de la main, n'y prenez aucun. Il y a... En tout cas, j'ai demandé au niveau de mon serveur, mais normalement, il n'y a aucune raison qu'un chroniqueur soit par là. On ne sait pas si c'est un renégat ou quelqu'un. Et c'est alors que vous arrêtez de parler que vous, en effet... semblez enfin prêter attention à cette espèce de bruit, de cognement que vous entendez. Toric, tu tournes légèrement la tête. Chroniqueur. Et tu vois que ces derniers proviennent de tout près de ton oreille. Au niveau de ton dilacérateur, ta lance qui était posée là à tes pieds, et tu vois ton mollusque s'agiter de plus en plus fort et se cogner contre la vitre, jusqu'au moment où les rires des enfants que vous entendiez juste derrière vous commencent à devenir des cris et des hurlements. Eh, la dernière fois, ça finit avec un village cramé, même si je suis pas au courant. Ah, ouais, du coup, je regarde le distillateur. On se retourne, enfin, faut. Moi, je veux voir pourquoi les enfants y hurlent quand même. Parce que... J'ai commencé à vous précipiter au niveau de la place du marché. En effet, plus le moindre rire, plus le moindre enfant en train de jouer. Mais vous voyez là, une espèce de horde de personnes qui se sont reculées et qui entourent la place où une gamine, la jambe ensanglantée et assistée par ce qui semble être son père en train d'essayer de lui faire un garrot. Vous voyez ce dernier commencer à crier « Mais retenez-moi cette bête enragée !» Et juste à côté, vous voyez le chien de Fernex, le chasseur. La bête semble complètement folle. Elle a les yeux injectés de sang. Elle est là, en train, qui s'apprête à mordre la moindre personne qui s'approcherait trop. Seul son maître est là. Passe. Fais-tu ? Je... Oui. Non, je prends mon marteau et je me dirige vers lui. Pardon ? Je prends mon marteau et je me dirige vers lui. Vers quoi ? Les deux. Le chien ou le maître ? Le chien. Ok, pendant ce temps-là... Moi, je me précipite sur la petite fille pour essayer de la soigner. Fais-moi un jet de médecine. Flux, tu m'as dit ? Non, parce que je voulais proposer à mon équipe d'utiliser mon vocodeur pour peut-être calmer le chien. Mais comme il y a déjà un juge qui fonce dessus, je vais pas l'utiliser, sinon c'est le juge qui va prendre. En effet. Du coup, tu te retiens, tu vois laisse la silhouette du juge se diriger en direction du chien. Toi, de ton côté, Mokosh, tu sors ton arme ? Ouais. Ok. Juste parce que je sais pas quelle est la situation, moi. C'est un chien, quoi. Ouais, mais il y a peut-être autre chose qu'un chien. Ouais. Bah oui, mais s'il y a autre chose. Les battements du mollusque n'étaient pas suffisants, par exemple, pour décrire ce que vous avez déjà combattu, mais vous les auriez bien vu venir bien avant. Mais c'est clairement pas banal que d'un coup ils se mettent à battre comme ça. Sûr. N'empêche que pour l'instant le seul danger imminent c'est le chien. Et c'est pas vraiment un danger. Oui. Et la petite fille, on sait ce qui se passe avec les petites filles. Ouais, et on va les cramer, c'est tout. À un moment faut accepter la vérité. Tu commences à la prendre en main, tu vois son père qui, voyant l'habit du hospitalier, te laisse. Te laisse ses bandages, enfin ses bandages, ses bouts de vêtements qu'il a déchirés. Et t'occuper de sa fille. Pendant ce temps-là, le chien commence à gémir. Vous le voyez qui commence à tomber au sol et à se battre et à se déplier dans tous les sens en grognant et en lâchant des claquements de bouche extrêmement rapides. Alors que la silhouette du juge n'est désormais qu'à quelques pas de lui. Que fais-tu, Jacquard, face à cette bête enragée? Je regarde le maître dans les yeux, je dis « Tu m'expliques maintenant ou je la bats tout de suite. » Quoi, mais je sais pas, moi, mec, je sais pas ce qui lui prend, elle a jamais fait ça avant. Attila, calme-toi. Pourtant, ça fait pas plusieurs jours que... Tu n'es pas là. Bien sûr que si, ça fait plusieurs jours que je suis ici, je vous ai même aidé à défendre les... Les neveux du Benesato l'autre soir au bar. Ouais, mais il paraît que ton chien a l'air malade depuis un bout de temps. Oui, elle a dû choper un truc, mais ça arrive, c'est lorsqu'on va chasser. T'en parles pas ? Bah si, j'en ai parlé, j'ai même essayé d'obtenir un médicament auprès d'Abacus, l'Elyséen. Écoutez, s'il vous plaît, je sais pas, mais ça doit être rien de grave. Et puis le moment où il dit ça, le chien lâche une lynchée de sang en plein milieu du sol. Vous l'entendez en train de gémir. Et moi, je vais la battre. Dilacérateur. Mon dilacérateur, il est encore plus fou, j'imagine. Le mollusque. Je vais l'écraser avec ma masse. En observant la lynchée de sang, Mokosh, tu... aperçoit ce dernier se mouvoir très légèrement. En plus de ruisseler au niveau du sol, tu vois un verre, puis un autre, puis encore un autre. À la seconde même où le marteau du juge s'abat sur la pauvre carcasse de l'animal. le crâne du chien explose au sol. Et un liquide semblable à du vomi commence à s'échapper de sa gorge. De ton côté, Jacquard, en y prêtant plus attention, tu aperçois également une bonne centaine, voire milliers de vers. De ton côté, Torik, ton mollusque se calme petit à petit. Les gens autour sont bouche bée. Une espèce de silence de mort règne face à ce qui vient de se passer. Vous voyez Fernex, le chasseur, qui commence à pleurer devant le corps de sa bête, mais qui en même temps semble presque reconnaissant au juge d'avoir abrégé ainsi ses souffrances. Visiblement, elle était perdue d'avance. Et c'est alors, que, au loin, une voix commence à s'écrier, et vous la reconnaissez bien, cette voix. C'est celle du flagellant, Skiroko, qui vous rejoint à l'intérieur du cercle. Le deuxième signe, regardez! Je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, le chien enragé, tout droit venu des enfers. À ce moment-là, il commence à s'emparer d'une lame qu'il avait dans sa chaussure, se coupe le lobe d'oreille et commence à le mordiller avant de le jeter dans la foule. Nous sommes perdus! Le démiurge étend de ses murs! Les anabaptistes nous ont abandonnés! La foule commence petit à petit à paniquer. Certains commencent à croire les dires du flagellant. Pendant ce temps-là, vous voyez au loin quelques orgastiques qui commencent à arriver dans la précipitation. Pendant ce temps-là, vous voyez le chasseur se lever et commencer à avoir une altercation avec Skiroko. En effet, ce dernier ne semble pas du tout d'accord avec le fait que le flagellant utilise ainsi la mort de son fidèle compagnon pour prêcher la bonne parole. De votre côté, que faites-vous ? Discrètement, je vais demander à Carmino Ferro s'il peut prélever de façon discrète de façon sécure des vers, les petits vers pour faire des analyses pour savoir d'où ça vient et par la suite il faudra quand même faire un bilan au chasseur pour voir s'il n'aurait pas été contaminé lui aussi. Ce serait quand même plutôt... Ah mais oui, c'est exactement ce qu'avaient les zombies qu'on avait croisés avant. Moi je le sais pas, mais je suis... Alors, eux pour le coup ils avaient des ténias. Là ce sont des vers, c'est pas exactement la même chose, mais ça pourrait s'y apparenter. Moi j'ai des mots scientifiques. C'est des vers hein. Enfin, en tout cas, faire une analyse et on fera aussi une analyse du MJ parce que j'ai peur qu'il crache des verres. Le MJ est contaminé. Tu sais, c'était une putain de session méta. Il n'empêche que de ton côté, Torik, le Spitali, donc Carmino Ferro, s'exécute après que tu lui en aies donné l'ordre et commence à essayer de récolter quelques données. À là où la foule commence petit à petit à se disperser. Un peu, justement, comme je disais, en mouvement de panique. Rien de très grave non plus, mais bon, les orgastiques sont là, obligés de dégainer leurs armes pour forcer les gens à retourner à leur maison. Lucio Bastardo, le chef de la garde, est là, lui aussi, sur son cheval, et vous regarde avec un espèce d'air mauvais, en mode, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Je regarde mon coche. Moi je le défile, je regarde. Hein. Moi je le quitte pas des yeux tant qu'il me quitte pas des yeux. Moi je le défile de mes regards métalliques. Ouais, non, tu t'es pas du tout. Flux, toi t'es pas tant attiré par la silhouette de Lucio que par la silhouette de ce gamin juste devant toi qui te regarde droit dans les yeux et relève sa main qu'il avait posée au sol. En ouvrant sa paume, t'aperçois le lobe d'oreille de Skiroko. Le gamin semble fasciné par ce dernier, s'en empare et se l'accroche autour du cou. puis s'en va en courant. En te regardant avec ses deux yeux bleus. Pendant ce temps-là, Lucio, lui, après t'avoir défié du regard de Mokosh, lève son arme en l'air et donne l'ordre d'arrêter Skiroko et tous les flagellants qui se trouvent actuellement sur la place du marché. Les orgastiques s'en emparent, les plaques au sol, sous les cris de la foule. Et les conduit jusqu'au ciel. Vous vous trouvez là un peu bêtement, sans savoir trop quoi faire. Vous êtes plus en train de subir ce qui est en train de se passer plutôt que de pouvoir agir. Oui. Dans tous les cas, que souhaitez-vous accomplir comme action? Je crois pas trop à ces trucs, mais toi peut-être. Est-ce que tu pourrais essayer d'aller interroger Skiroko pour savoir c'est quoi la prochaine manifestation? Je n'y crois pas, mais je suis d'accord. Au loin, vous entendez Skiroko. Ceux qui goûtent au mal sont condamnés. Infidèles, vos maîtres ont goûté. Mince, pardon. Vos maîtres ont voué leur vie à de faux dieux. Et vous voyez qu'il continue à parler, qu'il continue à, comme ça, balancer le même genre de phrase. Le deuxième signe, je l'avais dit, les bâtisses ont ouvert les portes du démiurge. Ils ont invité son engeance à Lucatoré. À présent, il rampe dans les entrailles des infidèles et il creuse jusqu'à ce que l'estomac explose et déverse son mal sur le monde. Il commence à essayer de lever les bras alors que les orgastiques s'en emparent pour lui plaquer au niveau du dos. Mais non. Et vous voyez l'un d'entre eux qui prit d'un mouvement d'espèce de mouvement de panique lui assène un violent coup de poing au visage. Il se retourne vers les autres et commence à justifier son acte. Ah, désolé, j'en pouvais plus de l'entendre parler. Bon, allez, on va le conduire à l'hospice. Il commence ainsi à quitter la place du marché. Ouais. Du coup, il faudra vraiment essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aller l'interroger sur le prochain signe. Même si... Et du coup... J'y crois pas trop... Le prochain signe, c'était... Pour l'instant, il en a pas parlé. Il a pas eu le temps de le dire parce que l'autre, il lui a balancé un gros coup de poing dans la gueule. Bah, comme si pour le faire taire, quoi. Je pense que je vais suivre le prisonnier et tout ça pour aller jusqu'à sa cellule. On compte sur toi, Mok. J'imagine que je vais me faire arrêter en chemin avant. Pardon, excuse-moi, ce que tu disais. Je vais suivre les gens qui emmènent le prisonnier et le prisonnier. Très bien. Tu les suis, tu te joins à eux. Attends. Ok. Tu vois les orgastiques qui au contraire ont l'air relativement apaisés et agréablement surpris en te voyant approcher. Ah merci, on manquera pas de renfort. Ouais. Le renfort. Laissez-moi gérer. Je m'occupe de celui-là. Et vous le conduisez ainsi jusqu'à l'hospice. Vous voyez, tu vois les orgastiques enfermer Skiroko et ses fidèles dans une espèce de pièce dont la porte à barreaux est refermée et détenue par une clé. Un des orgastiques te tend cette dernière et vous vous asseyez sur une chaise non loin de la porte. Bon bah, il ne reste plus qu'à monter la garde en attendant que le fureur nous donne un ordre contraire. Ouais. Bon, si tu veux, je prends le premier tour de garde. Ok, bah, si ça te dérange pas. Pas de problème. Ok. Là, qui va revenir, il y aura personne, il va être là. Tu vois qu'il se lève et qu'il se dirige au loin. Aussitôt est-il parti, t'aperçois une première silhouette au barreau qui t'appelle avec une voix relativement suave. Entrez, n'ayez pas peur. Nous ne vous ferons aucun mal. Vous n'êtes pas comme eux, vous êtes des étrangers, ça se voit. Combien de temps vous êtes pas rendu en ville, Anabaptiste? Tu vois ces espèces de lieux, de dieux, pardon, qui luisent dans le noir. Quelques années, oui. Je vais rentrer parce que techniquement, c'est plus de moi qui devrais avoir peur que moi qui devrais avoir peur d'eux. Mais au moment où tu t'approches, en effet, t'entends cette même voix suave qui continue à te parler, qui essaie de t'inciter à ça. Entrez si vous êtes vierge de tout péché. Le maître pourra alors vous parler. Ah, je suis pas vierge, tant pis. Tant pis. Déverrouille la porte avec les clés et pénètre à l'intérieur. Ouais. J'ai quand même la main sur la garde de mon épée, histoire de pouvoir toucher des coupes d'un coup. T'aperçois cette pièce complètement dégueulasse, de sang qui coule au sol. Tu vois que c'est pas la première fois qu'ils sont fermés ici. T'as différents seaux également remplis de sang et ces êtres complètement faibles qui sont là en train d'ouvrir les bras et les paumes de leur chef, qui est lui allongé dans un tas de foin, qui se trouve à côté d'une espèce de coffre en bois et qui te regarde en souriant. Skiroko, il est là. Est-ce la peur qui vous a ouvert les yeux pour que vous veniez enfin chercher mes conseils? Je pense pas qu'on peut dire que c'est la peur, non. Mais... Très bien. Et quelle est votre motivation dans ce cas? Je viens écouter ta prophétie à nouveau. Peut-être te poser quelques questions. Bien sûr. Que souhaitez-vous savoir? C'est quoi le prochain signe? Le prochain signe. Je l'ai vu dans mes rêves. Je l'ai vu dans mes visions. Une rivière de sang s'abattra sur la ville. Et cette dernière pataugera dans ses propres entrailles. Et plus personne ne peut rien y faire désormais. Comment ça, plus personne ne peut rien y faire? Le démiurge est déjà en nous. Plus rien ne peut sauver cette ville. La foi l'a abandonnée. Les anabaptistes, comme vous, avez corrompu le peuple. Et notre Dieu nous fera payer cet affront. Ok. Pendant ce temps-là, je dis à Jacquard de bien nettoyer son très très bien nettoyé. Oui, parce que on sait pas ce qui a été en contact avec le chien, donc si jamais ça peut être une substance qui pourrait être contagieuse ou amener de mauvaises des trucs dégueulasses quoi. À ce moment-là, d'ailleurs, tu vois Sirocco qui commence à cracher du sang et rigoler. Pour le coup, il n'y a pas de verre dans le sien. Simplement, il semble relativement faible et complètement vidé de toute force. Bon, en même temps, avec tout le sang qu'il a perdu. C'est quoi votre but à vous, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez, j'étais un pêcheur tout comme vous, fut un temps. La brûlure était mon quotidien. Puis, j'ai aperçu la lumière. Vous savez, seule la douleur et la souffrance nous permettra de nous laver de tous nos péchés. D'ailleurs, vous devriez essayer si vous le souhaitez. Et tu le vois qui commence à te tendre son espèce de martinet. La souffrance physique fait disparaître celle qui est dans votre âme. Personne ne vous jugera ici. Nous sommes tous passés par là à un moment ou à un autre. Ça ira pour l'instant, non merci. Vous êtes sûr? Cette douleur qui vous ronge, elle peut disparaître à n'importe quel moment. Pense à Abby. Oh Abby. Vous pouvez le garder si vous voulez. Vous pourrez toujours changer d'avis plus tard. Bon, je vais le prendre, mais j'ai pas de... Moi, quand je vais finir là-dedans. Tu t'en empares. À ce moment-là, tu vois... T'entends une voix dans ton dos. Hey, « Eh vous, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Tu te retournes et t'aperçois un autre orgastique qui était visiblement vu te rejoindre pour garder la porte. « Sortez d'ici immédiatement. Vous avez rien à faire avec eux. Et surtout, les écoutez pas. » Je vais juste me retourner de nouveau vers l'autre. « Bon, qu'est-ce que vous foutez là ? C'est quoi votre but ici, vraiment ?» J'en sais rien, c'est ici que les visions m'ont conduite. Ce que j'espère, c'est éveiller une... voilà. Éveiller dans l'inconscient du peuple la triste vérité. Le fait que les anabaptistes sont condamnés. Et que c'est le démiurge qui vit entre ces murs. Mmh. Et ces accusations sont... Je les ai vues en me fouettant. Ce sont les visions qui m'ont parlé. Je sais que tout cela peut me paraître fou, mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez pas comprendre mon point de vue. Ouais, non, on m'a déjà dit ça une fois, c'était avant la brûlure. Ils ont eu raison. La brûlure vous consumera. Il a raison. C'est vrai. Bon, allez, sortez maintenant. Ou j'appelle la garde. Alors, si vous avez une dernière chose à dire, à me dire, vous me le dites maintenant. Je vais devoir partir. Fuyez. Quittez cette ville et votre âme sera peut-être sauvée. Qui sait, peut-être que les visions vous parleront à vous aussi dans le futur. Et vous pourrez à votre tour prêcher la bonne parole. Le long de la route d'Éden. Bref. Je veux juste sortir, tout simplement. Je sais pas trop ce que je peux en sortir de cet homme. Très bien. Tu vois l'autre orgastique qui te regarde avec une espèce de regard mauvais. Et puis... Tu retournes à la maison des émissaires où tu retrouves Jacquard, Torik et Flux. Carmino Ferro et lui, il est ici lui aussi, puisque Torik lui avait donné l'ordre de s'en prendre au verre qui se trouvait sur place. Et les deux d'ailleurs sont à l'étage en train de commencer avec leur maigre équipement, leurs différentes analyses. Dana, elle, semble... moins joviale qu'à l'habitude. Elle vous sert à manger sans dire un mot. Et en plein milieu de la soirée, ça toque à la porte. Mmh. Oui. Bah, j'ouvre, hein, parce qu'il y a visiblement personne qui ouvre. Et tu perçois la silhouette d'une jeune fille qui doit avoir 15-16 ans tout au plus. Complètement paniquée. Oui, est-ce que c'est ici l'hospitalier? Oui, c'est pourquoi. On a besoin de vous, vite. C'est horrible. Je me tourne vers les escaliers et je hurle. Hospitalier, il y a une urgence. Bah du coup, on descend. Enfin, je dis à Carmino de venir et on descend. Oui. Carmino se joint à toi. Le maître de la chapelle. On l'a retrouvé mort. Oh. Mort assassiné ou mort Je sais pas, c'est trop bizarre, venez voir. Allons-y. Ouais, j'y vais. Vous sortez. Les deux autres, enfin les trois autres, est-ce que vous les rejoignez? Mais moi je suis, enfin il y a l'intrigue. Évidemment. Ouais. Vous suivez ainsi cette silhouette de femme. Qui vous emmène jusqu'à la fameuse maison du maître de chapelle. À l'entrée, vous voyez ce qui semble être la mère de cette petite fille et ses deux sœurs. Toutes les trois en larmes. qui vous tend du doigt la silhouette de l'encadreur de la porte. Bah, on y va. Je rentre le premier dans la pièce. Corps. Et près du poêle, allongé sur le lit, tu aperçois le corps du maître de chapelle. Ce dernier devait avoir à peu près dans la cinquantaine. Et la première chose qui te frappe, c'est son aspect, sa couleur. Alors, tu t'approches et, rejoint par les autres, vous constatez que ce dernier est complètement desséché. C'est comme s'il avait été vidé de son sang. Aucun signe mollusque, pardon, j'arrivais pas à le dire. Regarde ton mollusque, en effet, non, celui-ci est calme. Ok, donc déjà ça n'a rien à voir. Légèrement agité. Normalement, c'est pas le genre de signe auquel vous prenez compte d'habitude. Il y a toujours un minimum d'agitation, mais ça pourrait être lié peut-être. D'accord. Je vais quand même examiner le corps directement. Fais-moi un jet de médecine. Intelligence médecine. Carmino, tu peux jeter un dé supplémentaire vu que Carmino Ferro te prête main forte. Oh putain. Ok. Alors. 58 réussites et non 29 déclencheurs. Alors. Hop. Toi, Mokosh, fais-moi un jet de perception. Oh, ok. En t'approchant un peu plus près du corps et en l'examinant un petit quart d'heure, il arrive au même constat que Carmino Ferro. Il est complètement desséché et a complètement été vidé de son sang. C'est sans doute lié aux centaines de milliers de piqûres, minuscules piqûres, qui se trouvent tout le long de son corps. C'est comme si un milliard de moustiques s'étaient posés sur lui pour lui sucer chacun une goutte de sang, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Ça a dû être relativement rapide, il n'y a aucun signe d'hémorragie, aucun signe de lutte. Il est là, allongé dans son lit, comme si il était mort d'une crise cardiaque, par exemple. Bah, disons que si on a affaire à des piqûres et que elles sont ciblées avec autant de... Voilà. Ça fait quoi ? Honnêtement, on a... Clairement, ces piqûres sont d'origine animale. On parle pas de seringue, on parle pas d'outils de médecine. Oui, voilà. Donc pour qu'il y ait autant sur une seule personne, c'est qu'on a affaire, malheureusement, à ce qu'on a probablement eu affaire avec Mokosh. En effet, vous vous remémorez les dernière parole de la femme qui vous disait que ce que vous aviez vécu allait se reproduire. Est-ce que ça pourrait être de ça qu'elle vous parlait ? Il s'agit évidemment pas d'un... Malheureusement. Je crains fortement. Il y a également une extase ici en Purgarie. Pendant ce temps-là, toi, Mokosh, tu remarques en regardant les cheveux de l'homme... Excusez-moi. Il est éternu. Que ces derniers sont relativement gras, comme s'ils s'étaient couverts d'huile élyséenne. Et le pot se trouvant juste à côté confirme tes dires. Il était littéralement en train de s'en étaler le long de tout le corps juste avant d'être assassiné. Cette huile de souvenir, c'est ce qu'ils utilisent pour combattre, non ? Exactement. Oui. Et avec ça qu'ils enduisent leurs armes et leurs cheveux. Je le dis à voix simplement, hein. Il se prépare à se battre. Pardon. Ok. Pardon. Contre qui ? Alors, c'est aussi utilisé, pas forcément avant un combat, mais par exemple, c'est vrai que j'en ai dû préciser, mais j'allais dire un peu comme la brûlure, mais c'est un peu ça l'idée. Simplement pour se détendre, parce que ça provoque une espèce de sensation de chaleur et ça va revigorer le corps. Moi, je préparais pas à se battre. Après, je préfère l'hypothèse qu'il préfère se battre. J'en fais part à tout le monde, et notamment à Mokosh, puisque elle a déjà eu affaire à ça, de ce que j'en déduis avec Carmelo. Du coup, Flux et Jacquard, vous êtes au courant. Il y a de fortes chances, même si c'est pas sûr à 100%, mais qu'on ait affaire à. C'est un phéromancien, c'est ça? J'ai plus. Ouais, c'est bien. Les phéromanciens se trouvent uniquement en Franca. Et à titre exceptionnel, en Borca pour vous. Il se pourrait qu'un psychokinésiste se trouve dans la région, mais on aura dû en entendre parler. S'il se trouvait à quelques kilomètres d'ici, on s'en serait rendu compte forcément, nos mollusques se seraient activés. Oui, mais avec l'ampleur de l'attaque, plus le chien, c'est quand même des signes qui sont pas à prendre à la légère. Puissant G de Carmino, qui fait 1, ouais. 5, 5, 5, 5, 6. En effet, s'il s'agit bien là de ce que vous avez autrefois dû combattre, il faudrait en obtenir la preuve. Ça pourrait être l'explication de ce qui est arrivé au chien. Il paraît qu'ici en Purgaré, même si malheureusement, étant donné que c'est l'extase la plus récente, on a difficilement moyen d'obtenir autant d'informations que sur le reste des extases. Mais paraît-il que les phéromanciens... disperse des champs d'insectes, qu'ils créent des espèces de colonies sous terre et font grandir ainsi leur nuée, la nourrissent avec des animaux ou même des voyageurs malheureux. Il suffirait de savoir où est-ce qu'elle pourrait entretenir sa nuée, en récolter différents échantillons et on pourrait quémander l'aide des hospitaliers. En tout cas, protéger la ville en conséquence. Mmh. Malheureusement, ça va être compliqué de demander un détachement sans en avoir la moindre preuve. Bah, déjà, je pense qu'avec ce qu'on a comme substance, puisque on a récupéré les vers, on a ce cadavre qui est quand même immaculé de piqûres. Si déjà on amène ça aux camarades hospitaliers, je vais en faire la demande. Je vais demander à l'infirmerie dès demain matin. Nous allons effectuer des analyses avec tout l'équipement qu'on aura là-bas, ce sera beaucoup plus parlant. Mmh. En attendant, il faudrait que vous alliez voir Fernex pour lui demander où est-ce qu'il s'est rendu avec son chien dans les derniers jours. Sa cabane de chasse doit pas être trop loin de la ville. Car forcément, ça peut pas venir des montagnes. C'est soit la forêt, soit le marécage. Si ça s'y trouve. Quoi faire maintenant? Dans tous les cas, si tel est le cas, la nuée devrait se propager sur différents kilomètres. Vous pouvez, j'imagine, vous permettre, si vous êtes suffisamment discret, d'aller inspecter sur place sans risquer de tomber nez à nez avec la créature. Maintenant, c'est seulement une proposition. Je peux parfaitement comprendre que vous puissiez vous y opposer. On y va. Pour ma part, je n'ai aucun problème avec ça. Moi non plus. Mokosh. Ouais, ça me semble logique. Jacquard. Jacquard. Quoi? Là, vous entendez pas ce que je dis? Non. Non. Non. Oui, je confirme, Jacquard. D'accord. Très bien. Écoutez, je vais préparer mes affaires et partir dès demain matin. En attendant, essayez d'aller voir Fernex au niveau de sa cabane. Ok. Et vous voyez sur ce Carmino qui se sépare de vous. Bon, on fait quoi avec la dame et la fille? Parce que là, elles sont en train de chialer. Ah là, elles sont restées à l'extérieur. En effet, au moment où tu sors, tu vois la mère qui se dirige vers toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, c'est super bizarre. Alors j'avoue que c'est pas simple. On va pas commencer à alerter. On va pas foutre le dawa dans la ville, faut pas ébruiter ça. Donc limite il faut dire oui. Je pense que il a subi. Alors je vais sortir des vieux termes médicaux machin dégueulasse qui va rien comprendre pour expliquer comment ça a pu lui arriver un truc comme ça, mais pas pour pas alarmer les gens, pour pas que ça commence à partir en sucette. Quoi. Voyez-vous son encéphalogramme aussi synchronisé avec la avec son tour hormonal. Que l'immunodéficience acquise de la pathologie immunohygiène. Là, c'est marrant que tu mets. C'est le fameux passage au Dr House où il raconte n'importe quoi, tu sais, en mode ah oui, c'est peut-être ça, bah oui, bah non, il y a tel symptôme, voilà, tu mets ça, on fait oui, monsieur. Voilà. oui, tout à fait. Et tout ça, il est mort. Malheureusement. Tu la vois qui commence à serrer ses filles dans ses bras en pleurs. Oui, mais ça arrive, buvez plus d'eau, puis ça vous arrivera pas à l'heure. Quoi ? Commence à reprendre de plus belle. Elle commence à éclater en sanglots et sanglots et tombe à genoux, alors que Mokosh commence à s'en aller après avoir balancé Dad Punchline. Même Flux, qui est complètement déshumanisé, n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer pour lui. Par contre, je préconise qu'il ne reste pas trop dans le secteur de où ça s'est passé, en fait. Hein ? J'essaie de l'éviter. De pas être sur les zones... La zone où il est mort, en fait, de pas trop l'approcher, en fait, pour essayer en fait. De... Voilà. Vous vous rendez, du coup, de ce pas en direction de la cabane des chasseurs. J'imagine, à moins que vous décidiez de faire un crochet. Non, en vrai, on a un objectif plutôt clair, donc je suis chaud pour le suivre. Dirigez en effet en direction de la cabane de chasse, légèrement en reclusion de la ville. Vous y apercevez donc en effet la petite cabane, mais également différentes viandes en train de sécher, accrochées à quelques perchoirs, protégées sans doute pour éviter que quelques prédateurs ne s'en emprennent, et vous apercevez deux silhouettes féminines. Ce sont les chasseresses, si c'est le bon terme, je sais pas du tout, qui sont que derrière toi, Jacquard, tu avais déjà aperçu, qui travaillent pour Fernex. Elles sont là en train d'accrocher et de récupérer différents morceaux de viande et de les attrouper dans différentes caisses, sans doute à destination de la ville. S'approche, j'imagine. S'approche d'elle. Très bien. Deux d'entre elles s'arrêtent et se dirigent vers toi. Elles doivent toutes les deux avoir entre 25 et 30 ans. Dites-moi, ouais. Est-ce que vous savez où est le chasseur, s'il vous plaît? Oui. Le chasseur. Fernex. Ouais. Malheureusement, le vieux est parti. Ah. Et... La mort de son chien l'a relativement, comment dire, blessé. Il est parti avec son fusil, de quoi tenir une semaine de provisions en direction de la forêt. Il a pris le sentier principal. C'est un secteur où il allait souvent, c'est ça? C'est le secteur où il allait chasser, où on va tous chasser d'ailleurs. J'imagine qu'il essaye de savoir ce qui a pu causer l'intoxication de la bête. J'étais pas là pour le voir, mais il paraît que c'était pas joli. Effectivement, c'était pas joli. Il était là à agoniser pendant des minutes et des minutes jusqu'à ce qu'une personne daigne enfin achever sa triste vie. Vous savez, ça faisait... des années qu'il avait ce chien, il y tenait beaucoup. Mais c'est toujours difficile de perdre un animal de compagnie. Écoutez, pourriez-vous nous indiquer exactement le secteur où on pourrait le retrouver exactement? Parce que la forêt est plutôt grande, donc si on peut... Fais-moi un petit jet de charisme négociation. Si avec tu le rates, mode... je passe en mode God Mode TKT. Écoute, c'est mon principal bonus en tant que chroniqueur, c'est que dès que je parle pour la première fois, les gens sont plus amples à me donner des informations, donc... Eh bien, je te laisse la main, mon ami. Écoutez, on aimerait bien, mais on vous connaît pas. Hein. Ok. On a je m'allume. Tu vois, il y a juste la deuxième qui pointe sa tête vers le juge. Je vous ai aperçu, vous, le haut-de-barre l'autre jour, mais à part ça... Enfin, si ça se trouve, vous lui voulez du mal. Vous savez, il y en a plusieurs qui s'en sont pris à lui, après le chien, qui l'ont tenu comme responsable de ce qui est arrivé à la fille. Vas-y, fais-moi un G. Je m'allume. Et avec ma voix que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le logiciel qui fonctionne, et je suis très déçu parce qu'il faut vraiment que je trouve le refaire fonctionner parce que... Attends, je réfléchis à quoi dire. Ouais. On est là justement pour aider le village. On lui veut que du bien, alors parlez maintenant. Et là, il y a la résonance et tout. Parce que, là, ça marche moins bien. Et voilà. Très bien. Allez. Fais-moi un jet, soit de charisme, négociation, soit considération. Mais sachant que c'est mon charisme ce qui est, je crois. Ah non, c'est n'importe quel. Oui, c'est n'importe quel. Tiens. Donc tu m'as dit... Soit négociation, soit considération. Alors je regarde, considération c'est quoi déjà? Excuse-moi. Alors la négociation ça va être l'amener en fait un peu plus de manière genre très jouée sur la gestuelle, presque t'imposer à eux. Là où considération ça va être plus au contraire justement essayer de jouer leurs propres règles, leurs propres codes. Alors c'est très subtil mais par exemple, j'en sais rien, dans la vie de tous les jours... essayer de demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, ça va être par exemple connaître le tchèque de son quartier, tu vois. Enfin, bah l'exemple c'est la séduction, quoi. Tu séduis, quoi. Et c'est quoi la sur la fiche perso, par contre? C'est quoi comme... C'est séduction, non? Il y a consideration ou negotiation, je crois. Consideration? Non, attends. Oh, je pense que c'est séduction. Séduction. Non, c'est conduct, non? Ah, conduct, oui, en effet, oui. C'est conduct? Ok. Donc attends, du coup, soit je lance 5D, avec le bonus ça fait 6, soit je lance 8D. Oh bah mince alors. C'est difficile. Bah, en vrai... Non, en vrai, vu que je fais le coup de m'allumer et tout, tu vois, je passe vraiment pour le m'imposer physiquement. Tant pis pour leur coutume, on va essayer. Ouf. Oh. Oui, c'est réussi, 3 déclencheurs. La voix qui sent toucher quasiment en plein cœur. Excusez-nous, vous avez l'air de gens bien. Et puis si les chroniqueurs le disent, c'est que... Et tu vois qu'elle retourne au niveau de la cabane et revient quelques instants après, avec une carte, sur laquelle elle te trace le chemin qu'emprunte Fernax habituellement. Si vous voulez le retrouver, c'est par ici qu'il faudra faire. Vous voyez que ce chemin en fait fait globalement le tour de Lucatore, recoupe à un moment par la route d'Eden pour finalement se diriger en direction plutôt du marécage. Nous en sommes très reconnaissants. Eh bien, écoutez, t'as fait combien? 3 déclencheurs? Si vous souhaitez vous rendre à sa poursuite, allez-y, servez-vous. Et tu vois qu'elle, pareil, repart et revient quelques instants plus tard avec de l'équipement. Elle te donne une corde qui doit faire un tour d'à peu près 20 mètres. Des silex, un cadran solaire qui fait à peu près la taille d'une paume. Et ce qui ressemble à un télescope. Bon, il a pas l'air trop en état. Tu regardes rapidement et tu vois que l'image est très déformée, mais c'est toujours ça. Bon, je compte sur vous pour nous ramener tout ça une fois que vous serez rentré, mais si ça peut vous aider à le localiser et à le ramener en sécurité. Vous savez, on raconte que certaines personnes ont disparu dans ces bois, alors Qui sait s'il s'agit là de bêtes sauvages ou de quelque chose de plus dangereux encore. Farnax était assez attaché à tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, il avait confectionné ça. Et tu la vois qui, en dernier temps, ressort des espèces de colliers avec des petits miroirs accrochés. Il disait que ça portait chance. Si vous voulez, Rien n'est trop de refus. Okay. Et tu la vois, après, comme ça, être complètement quasi, on va dire, tombée sous le charme du chroniqueur, lui avoir déballé les trois quarts de ses affaires. Simplement, vous souhaitez plus ou moins bonne chance et au revoir de la tête. Vous récupérez tout votre matériel, parole divine. Le soir même, vous retournerez voir Dana et vous lui donnerez... Enfin, vous le soumettrez le fait de vous procurer des provisions pour plusieurs jours. Dès le lendemain matin, au réveil, celles-ci seront disponibles sur la table. Et sauf si, mais ça on aura l'occasion de le revoir plus tard, vous souhaiterez faire autre chose avant ça, vous pourrez ainsi commencer à vous diriger en direction de la forêt, tout en suivant la carte de Farnax.